Auditrices et auditeurs, bonsoir. Et oui, nous sommes bien le 1er mai. Le 1er mai 2023. Le centenaire du 1er mai 1923. Hein, un siècle entre les deux. Quand on voit de quoi sont remplis les journaux et les livres d'histoire. Bon. Alors, le programme de ce soir, bien, d'abord le calendrier, bien sûr. Il sera question de tous les événements. Enfin, d'une partie des événements qui se sont passés le 1er mai. Ensuite, donc, le 1er mai, le message de Jean-Luc Mélenchon de 2020. Hein. Et puis, d'où vient la fête du travail? Jean-Luc Mélenchon, discours du 1er mai 2022 à Paris. 2020-2022. Hein. Sophia Aram, les néo-cubénis. Les sectes. École Steiner, Raëlien, etc. Bon. Le 1er mai noir, jaune, rouge, par Charline Vadonecker. Hein. Il est difficile de faire grève, Mathilde Panot. Sophia Aram, le complot de trop. Lithium, Chine, Taïwan, Chat GPT, économie, technologie. Et puis une petite revue de presse, Sophie Binet à la télé, Sophie Binet, présidente, secrétaire nationale de la CGT, qui répond aux questions de Apolline de Malherbe. Voilà. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 1er mai 1381, en Grande-Bretagne, pendant la guerre de Cent Ans, début de la grande révolution paysanne, journaliers, petits fermiers, artisans, sous la conduite de Wat Tyler, les insurgés refusent de payer les impôts, s'attaquent aux seigneurs, aux clergés et à la bourgeoisie. Ils demandent l'affranchissement général. 1381, vous voyez, hein, c'est pas d'hier que les gens essayent d'avoir une vie la plus normale possible. 1637, France. Les croquants révoltés contre les impôts consécutifs à la guerre de 30 ans assiègent Périgueux. Jamais contents les gens, hein. 1830, France. Les ouvriers scieurs de Bordeaux brisent les scies mécaniques. 1871, France. Début du bombardement systématique du Paris de la Commune par les Versaillais. 1er mai an 1. En France, la Bastille est prise depuis un siècle. Voici qu'à présent, qu'à travers de nombreux pays, les travailleurs se lèvent ensemble, le même jour, pour une même revendication. À partir de cette date, l'histoire du 1er mai reflète l'histoire de la classe ouvrière. En Suisse, où il n'y a pas eu de mesures de police, les meetings se déroulent dans le calme dans la plupart des grandes villes. À Paris, où la manifestation est interdite, 34 000 hommes de garnison sont sous les armes. Les affrontements sont violents. Les travailleurs se rassemblent aussi à Marseille, Vienne, Lens, Troyes, Vierzon, Beauvais, Amiens, Narbonne. Aux USA, les charpentiers appuyés par l'AFL, American Federation of Labor, remportent d'importants succès. La première fête de travailleurs est célébrée également à Cuba, en Argentine, en Hongrie, en Roumanie. Mais rien ne se passe dans la Russie des tsars, dans l'Afrique et l'Asie colonisées, sauf à Tunis. Au prix du sang. 1891, France. À Fourmies, dans le Nord, la grève interdite par les patrons commence à 9h. La foule se rassemble, les gendarmes chargent, sabres au clair. Les gendarmes chargent, sabres au clair, en 1891. En France, à Fourmies, bagarres et arrestations au pluriel. Vers 18h, les manifestants organisent une poussée pour libérer les prisonniers. Le commandant Chapuis donne l'ordre de tirer. Le fusil Lebel, utilisé pour la première fois, fait merveille, entre guillemets, fait merveille. 69 balles, 9 morts, 30 blessés graves. Parmi les morts, deux enfants de 11 et 15 ans et 4 femmes de 17 à 21 ans, toutes ouvrières du textile. Pologne, 1892, fusillade à Lodz, en Pologne russe. 1900, Russie. Les manifestations sont interdites, mais des tracts sont distribués. Les ouvriers manifestent à Kharkov, à Kiev. Ils se rencontrent hors de la ville pour fêter le 1er mai. 1901, Russie encore. Les ouvriers de l'usine d'armement d'Obukhov à Saint-Pétersbourg sont en grève. 1905, France, à Limoges. Suite au lock-out dans la porcelaine et aux événements sanglants qui ont suivi, plus de 10 000 personnes manifestent. 1905, Pologne. L'armée tsariste tue une centaine de manifestants à Varsovie. 1906, Allemagne. À Hambourg, pour avoir fêté le 1er mai, 6000 dockers sont mis à pied pour 10 jours. J'en passe, hein. J'en passe. Guerre à la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le 1er mai, célébré d'abord timidement, puis avec plus d'assurance, devient un des moments où s'exprime la volonté de paix et de changement de société des travailleurs. Russie, 1915. D'après les archives de la police tsariste, de nombreuses usines sont en grève. 1916, 637e jour de la Première Guerre mondiale, on compte déjà 3 millions de morts ou de blessés. Dans les pays en guerre, les manifestations se font plus vigoureuses. 1916, Allemagne. Malgré l'état de siège, le groupe Spartacus, fraction la plus avancée de la social-démocratie, convoque le peuple à une grande manifestation à Berlin. Que quiconque est contre la guerre vienne le 1er mai à 8h du soir au Potsdamer Platz à Berlin. Dupin, la liberté, la paix, point d'exclamation, fermons les guillemets. Environ 10 000 personnes bravent l'état de siège. Karl Liebknecht fait un discours qui lui vaudra une condamnation à 4 ans de forteresse. Espoir révolutionnaire. Après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, le 1er mai devient un des moments où les espoirs de changement de société s'expriment de plus en plus fortement dans tous les continents. 1919, Allemagne. Les troupes réactionnaires marchent sur Munich pour abattre la République des conseils proclamée par les ouvriers et les soldats. Des centaines de travailleurs sont tués. La République des conseils de Bavière est écrasée. 1919, France. Malgré l'interdiction de Clémenceau, à l'appel de la CGT, 500 000 personnes manifestent à Paris pour la démobilisation totale. La fin de l'intervention militaire contre la révolution russe et l'amnistie pour les prisonniers politiques. 1920, Chine. Quelques centaines d'ouvriers représentant cette organisation se réunissent pour la première célébration de la fête du travail en Chine. 1923, Allemagne. Échec d'une tentative de putsch de Hitler à Munich. 1923, Allemagne. Échec d'une tentative du putsch de Hitler à Munich. Nous sommes en 2023. 1923, Italie. Après la prise du pouvoir par Mussolini, grèves, manifestations sont interdites. Les journaux, l'Unita communiste et Avanti socialiste sont saisis. Les fascistes mettent le feu à la Bourse du Travail de Milan. Aux prises avec les fascistes. Alors que Mussolini, Salazar, Hitler, Franco et tous les fascistes tyrannisent l'Europe, le 1er mai, malgré les essais de récupération, est un des lieux de l'affrontement entre les dictatures et le mouvement ouvrier. 1930, France. La colère éclate chez les ouvriers de la potasse du Haut-Rhin. Le matin, 75%, et l'après-midi, 95% ne rejoignent pas leur poste. 1933, Allemagne. Hitler a sommé les syndicats allemands d'organiser en commun avec le parti nazi les manifestations de masse du 1er mai. À Berlin, plus d'un million de manifestants répondent à cet ordre. Le lendemain, les syndicats seront décapités. 1933, Autriche. La classe ouvrière manifeste malgré l'interdiction gouvernementale. 1934, Grande-Bretagne. Manifestation gigantesque à Londres où l'on proclame le fascisme, c'est la guerre. 1936, Espagne. Manifestation du Front populaire à Madrid. 1937, France. Apogée de la puissance ouvrière après un an de Front populaire, le 1er mai revêt une ampleur inégalée. 1937, Pologne. Face à la menace de Hitler, l'unité des travailleurs s'est ressoudée. 100 000 manifestants parcourent les rues de Varsovie au cri de « Aide à l'Espagne républicaine ». Suppression des camps de concentration. Aide à l'Espagne républicaine. Suppression des camps de concentration. 1937, Pologne. 1938, Vietnam. À Hanoï, Une manifestation organisée par les communistes rassemble des dizaines de milliers de travailleurs vietnamiens et français qui fraternisent. 1944, France. Le plateau des Glières, dans le massif des Aravis, où le maquis a été dispersé par l'armée nazie et la milice. Dans un combat meurtrier de plusieurs semaines, est de nouveau occupé par les troupes de la résistance. 1946, Japon. Après 10 ans d'interdiction, la fête du travail est célébrée à nouveau. Quelques 2 millions de travailleurs participent à ce 17e 1er mai. 1962, Portugal. Sous la dictature, manifestation à Lisbonne, au cri de « Abba Salazar, nous avons faim, assassin !»« Abba Salazar, nous avons faim, assassin !» La police à cheval charge. Un mort et des dizaines de blessés. 1964, Espagne. En plein franquisme, 2000 manifestants tiennent la Gran Via de Bilbao. Ils revendiquent la liberté syndicale. 1969, Inde. Le jeune leader populaire Bengali Kunkanu Sanyal proclame la naissance du parti communiste marxiste-léniniste de l'Inde contre le révisionnisme du parti communiste indien. 1975, Vietnam. Grande kermesse de la victoire après la rentrée des troupes du Nord à Saïgon. 1983, Uruguay, à Montevideo, une manifestation rassemble 100 000 personnes demandant le rétablissement des libertés publiques. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà dirà, oh che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Le premier 1er mai qui existait dans le monde, il eut lieu aux États-Unis d'Amérique pour obtenir les 8 heures. Et comme on y fit une répression terrible avec des centaines de morts, alors la consigne de la première internationale fut que dans le monde entier, on célèbre le 1er mai comme journée de bataille pour la réduction du temps de travail. Et les ouvriers français portèrent pour la première fois ce triangle rouge que vous voyez sur mon col, avec ses 3 côtés, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Nous avons commencé de cette manière-là dans l'histoire. Nous sommes ceux qui luttons pour la réduction du temps de travail, parce que nous luttons pour la réduction du temps contraint. 8 heures de temps de travail. Il a fallu se battre comme des chiens pour obtenir ces 8 heures. Nous les avons obtenues en 1919. Et puis ensuite, on a voulu que ce soit dans la semaine, la limite. Chaque fois, c'est venu de nous. La semaine de 40 heures, le Front populaire. La semaine de 39 heures, 1981. La semaine de 35 heures, le gouvernement de Lionel Jospin. C'est toujours venu de nos victoires électorales et de nos luttes avant pour éduquer les esprits et les préparer à l'idée. Et puis après, il y avait raccourcir l'année de travail. L'année, c'est les vacances. Et bien quoi ? Les 15 premiers jours, le Front populaire. Les 4 semaines, la libération. La 5e semaine de congés payés, Pierre Mauroy. Et après, il y avait la vie. La première loi sur les retraites, elle date de 1910. C'était la retraite à 65 ans, en 1910. 65 ans. Et maintenant, il est question de faire un grand progrès. La retraite à 67 ans. Et peut-être à 70, parce que l'âge pivot, il se déplace. Rappelez-vous bien de ça, à vous autres qui marcherez à votre tour dans nos pas ou qui vous y trouvez déjà. Ils trouvent qu'on travaille jamais assez. Jamais ils n'ont rien donné. Tout a toujours été arraché par la lutte. La lutte pour la diminution du temps de travail restera l'axe sur lequel nous continuerons à nous battre tout le temps. Travaillez tous pour travailler moins. Cette lutte, elle doit reprendre. Et le jour où nous gagnerons, parce que nous allons gagner, à la loyale, démocratiquement, alors de nouveau, nous réduirons le temps de travail dans la semaine et en commençant par la vie avec la retraite à 60 ans pour 40 annuités de cotisation. Notre vie est à nous. Le pays est à nous. Et nous n'avons pas allé le mendier. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. C'est un vrai porte-bonheur, c'est la plus jolie des fleurs. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Je l'ai mis dans le salon, il parfume la maison. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Mes amis, nous voici pour le 1er mai. Le 1er mai marque pour nous la fidélité à l'histoire la plus profonde, celle qu'ont menée nos arrière-grands-parents pour la dignité des travailleurs et leur droit d'avoir une vie humaine. Le 1er mai eut lieu aux États-Unis d'Amérique et se conclut par une fusillade contre les manifestants. Puis 2 ans plus tard, à l'appel de l'International, ce fut le 1er mai en France. Et immédiatement, la forme de répression aveugle que connaissons toujours, chaque fois que les nôtres ouvrent une nouvelle porte de liberté et d'espérance, ce fut un massacre à fourmis. Mais, pour autant, de 1er mai en 1er mai, parce que chacun fit l'effort d'apporter à la lutte ce qu'il pouvait apporter d'effort, de participation, d'entraînement, de conviction, dans un monde qui souffrait tant à l'époque, où les travailleurs étaient si dispersés. Mais avec leurs syndicats, ils ont construit à la fois leur conscience et la victoire.

ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Soulet de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Le grand parti des travailleurs, la terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Sophia Aram, c'est à vous. Eh bien, j'aimerais commencer par un trigger warning, ou si vous préférez, un message d'avertissement à l'intention des auditeurs, je peux ? Allez-y. Voilà. Radio France, la rédaction de la matinale, ma belle-sœur et moi-même signalons à toutes les personnes susceptibles de placer leur foie, leur vagin, leur couleur de peau, leur identité de genre, leur pathologie, leur taille, leur poids, leur manque de culture ou d'autodérision au-dessus de leur sens de l'humour, que cette chronique est susceptible de les choquer, blesser, meurtrir. En revanche, pour toutes les personnes normales, ça devrait bien se passer. C'est parti. Suite à la réédition des œuvres de Roald Dahl, mais expurgées de tout ce qui serait susceptible de choquer les professionnels de l'indignation, j'aimerais pousser un cri. Ah ! Oui, bah c'est comme ça que je crie, hein. Moi je ne sais pas faire autrement. Un cri donc, oui c'est comme ça, ça te plaît, Clé ? Un cri donc sous forme de question en direction des néo-cubénis, faisant passer leur puritanisme pour un combat contre l'offense et la discrimination des minorités. Ma question c'est, pourquoi ? Pourquoi venir nous faire chier ? Non mais sans déconner, si les bouquins de J.K. Rowling, Agatha Christie ou Roald Dahl vous sont d'une insupportable violence, mais ne les lisez pas ! Pourquoi nous interdire d'y avoir accès ? Et surtout, pourquoi ne pas écrire vos propres bouquins ? Qu'est-ce qui vous empêche de raconter vos propres histoires en enrobant de précautions oratoires le récit plein de pudeur, des romances polyamoureuses de chacun dans sa chacune ou de chacune dans son chacun.e.s ? Mais parce que si ça se trouve, vu le nombre d'indignés chroniques, bah vous trouveriez des lecteurs pour se repaître de la douceur ouatée de vos histoires inclusives. Personne ne peut vous empêcher de vous ennuyer comme des surmulots en situation de non-vie. Si tu retires tout ce que les cubénis jugent blasphématoire ou immoral et tout ce que les néo-cubénis jugent non-inclusif et offensant, il ne reste rien. Même Oui-Oui et sa petite voiture jaune sont susceptibles d'être accusés de faire la promotion des énergies fossiles. C'est pourquoi, avant que l'outrecuidance et la pédanterie de ces débiles profonds ne les conduisent à s'arroger le droit de réécrire les œuvres de Kipling, Victor Hugo ou Philip Roth, j'aimerais leur poser une dernière question. Pourquoi ne pas vous atteler à la réécriture de la Bible, du Coran ou de la Torah? Parce que quitte à chercher des contenus sexistes, homophobes et violents, bah, ouvrez un de ces textes à n'importe quelle page, vous serez servi, hein, vous aurez de quoi vous occuper. Rien que le temps de savoir si l'injonction faite aux homosexuels à aller se faire rôtir en enfer constitue un contrepoint à l'invisibilisation de la culture queer dans la Bible, le Coran et la Torah, je pense qu'on est tranquille pour un moment. Pour conclure, en attendant que les néo-cubénis s'interrogent sur leurs propres contradictions ou finissent par redécouvrir, on peut rêver, la liberté de penser, peut-on demander à tous les éditeurs de continuer d'imprimer ce que les auteurs ont choisi de nous léguer, et ce, quoi qu'on puisse en penser, car franchement, pour pouvoir me faire un avis sur ce que le Marquis de Sade a écrit, j'ai vraiment besoin qu'aucun abruti ne me transforme les 120 journées de Sodome en tchoupi au pays de l'inclusivité. Merci à vous, Sophia Aram. Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits les rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. On a des cas où il y a de faux cahiers qui sont utilisés par les élèves pour faire croire que le programme est suivi. On a recueilli il y a peu de temps un témoignage d'un garçon qui explique qu'il y a des objets qui sont dissimulés. Et la doctrine en elle-même, la doctrine de Rudolf Steiner est une doctrine qui a été construite pour être dissimulée. C'est-à-dire qu'il a théorisé lui-même le fait qu'il fallait cacher à la fois aux parents d'élèves, au pouvoir politique, le fait que les écoles Steiner sont des écoles où il y a une spiritualité qui est inculquée aux enfants et que dans ces cas-là, il y a un risque de dérive sectaire. C'est en cela que le témoignage de Grégoire Perra est extrêmement important. Et je suis content d'ailleurs que vous l'ayez passé parce qu'il y a quelques années, c'était très très difficile de travailler sur ce sujet. Il y avait quelques personnes qui ont été un peu précurseurs. Je pense notamment à Elisabeth qui est ici sur ce plateau ce soir, qui a fait ce travail qui est un travail d'enquête, un travail journalistique, qui consiste à révéler ce que les gens ne voient pas dans ces écoles. Et le fait que vous ayez passé ce soir ce documentaire avec ce reportage, avec Grégoire, pour moi, c'est un grand progrès parce qu'il y a encore quelques années, on n'aurait jamais parlé à la télévision. Elisabeth Feitit, parce que il y a une capacité de résistance, même juridique, judiciaire, de la part, alors on peut peut-être élargir, sortir du seul cas des écoles Steiner, mais c'est ce qui s'est passé, on l'a vu avec 6 plaintes en diffamation, toutes perdues d'ailleurs par les écoles et remportées par Grégoire Parra. Il y a, voilà, il y a des soutiens aussi, est-ce qu'on peut dire ça? Sans doute, c'est possible. Après, je crois qu'il y a aussi une question de moyens d'enquête. C'est-à-dire que pour caractériser une dérive sectaire, et il y a effectivement des critères pour ça, juridiques, il faut avoir des éléments. Et c'est déjà compliqué de caractériser dans l'absolu une dérive sectaire, mais si en plus on n'a pas des moyens d'enquêter derrière, en amont, en fait, ça devient très compliqué. On voit le cas, par exemple, avec actuellement Thierry Casasnovas, qui est allé en garde à vue et qui propose des pratiques hygiénistes, crudivoristes, qui sont à la limite, en plus, de l'exercice illégal de la médecine. Et pour condamner une personne qui a ce type d'activité, avec des adeptes, avec des gens peut-être sous emprise mentale, etc., faut avoir des éléments. Et ça, du coup, c'est aussi la grande question actuellement, c'est qui peut enquêter, qui a les moyens, qui a le temps, qui a les moyens en personne aussi, en effectif. Et Sonia Baquet, ça pose la question des effectifs de la Miviludes, qui sont quoi, sous-évalués aujourd'hui? Il faut pas tout ramener aux effectifs, mais on a acté au moment des assises l'augmentation de 25% des effectifs de la Miviludes, mais il y a aussi les moyens d'enquête, et ça a été évoqué, et il y a aussi la difficulté à qualifier l'emprise mentale, la suggestion psychologique, qui est effectivement un élément très compliqué. Il y a quelques semaines, vous m'auriez invité ici, vous m'auriez dit pourquoi Thierry Casasnovas ça continue à pouvoir diffuser ses vidéos. Au final, c'est toujours trop long et c'est aussi trop long pour nous, mais au final, il est aujourd'hui mis en examen, la justice fera son travail, mais on finit par arriver à faire des choses. Il y a des procès qui sont en cours sur un certain nombre d'organisations. Mais effectivement, il y a des moyens d'enquête peut-être à travailler. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille de manière interministérielle, notamment sur des questions d'infiltration, par exemple, de capacité à rentrer, finalement, et de voir les choses. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure par Jean-Louis Adenor sur la capacité de dissimulation, c'est évidemment un élément majeur des dérives sectaires. Parce qu'en fait, ils construisent leur produit en fait en expliquant que le reste de la société vous ment, le reste de la société n'est pas crédible, etc. Donc du coup, les adeptes, quand ils sont interrogés, ils se protègent de ce qui est dangereux parce que le monde extérieur est dangereux. Et donc forcément, ils disent ce que l'organisation leur a dit de dire. Donc elle a voulu divorcer, elle a entamé une procédure, on sait qu'un divorce ça peut être très compliqué, on sait les problèmes qu'on peut rencontrer à ce moment-là, et son avocat lui a dit au moment de la procédure, surtout ne parlez pas de la question sectaire, ça va perdre le juge, on va rentrer dans un autre type d'affaires et compagnie. Ça c'est très grave, parce que pour elle, c'était impossible de parler de cette séparation sans évoquer le fait que son ex-compagnon était dans un groupe à caractère sectaire. Donc c'est montré pas que les magistrats sont méprisants ou qu'ils ne croient pas en la dérive sectaire, c'est montré qu'il y a c'est une difficulté supplémentaire que de rajouter la notion sectaire dans une affaire. Et on sait que dans les affaires de dérive sectaire, il y a des cas de violence physique, des cas de violence sexuelle, des cas de consommation de substances illicites, des cas de mise sous influence, des cas de captation d'argent, voilà. Et dans toutes ces... Tous ces critères sont importants, mais ils ne peuvent pas être pris en compte sans tenir compte de l'aspect sectaire, donc de la mise sous emprise, de l'abolition de l'esprit critique d'une personne qui se trouve dans un cas d'emprise sectaire. Alors notre débat, il porte sur ces nouvelles dérives sectaires. On va voir si elles le sont vraiment, leur amplification par les réseaux sociaux. Les signalements sont au chiffre de 2015. Thomas Huchon, je viens vers vous parce que vous nous écoutez depuis le début de ce débat et on en vient à la question effectivement des liens entre dérives sectaires et réseaux sociaux, médias sociaux. Pourquoi les médias sociaux amplifient-ils le phénomène? Écoutez, en fait, c'est assez simple. Ils donnent une nouvelle manière de diffuser tout cela. Et grosso modo, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si vous vouliez recruter des adeptes pour votre mouvement sectaire, bah, il fallait aller sur un marché, discuter avec les gens dans la vraie vie. Et c'était donc très compliqué. Aujourd'hui, il y a une espèce de double mécanique qui se met en place. C'est-à-dire que on a des gourous 2.0, comme vous les avez qualifiés, qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des adeptes. Et on a, dans le même temps, un truc un petit peu pervers de la part de ces plateformes numériques, qui est que comme elles vont mettre en avant ce qui capte notre attention, elles vont chercher à nous maintenir le plus longtemps connectés. Et quand elles sentent que vous avez une petite inclinaison à apprécier des discours qui vont dans le sens d'une dérive sectaire, bah, ils vont pas vous montrer la contradiction. Ils vont vous pousser dans ces contenus-là. Et donc, il y a une espèce de prime un peu mécanique et mathématique à la désinformation. On l'avait vu sur les questions de radicalisation politique à l'extrême droite, on l'avait vu sur les questions de radicalisation religieuse avec le djihadisme, et on le voit depuis un certain nombre d'années avec la radicalisation vers des dérives sectaires. Le complotisme devient une forme de porte d'entrée dans tous ces discours, une porte d'entrée qui est déjà assez chargée idéologiquement, mais qui est effectivement assez loin de ces discours de gourous et qui, petit à petit, vidéo après vidéo, vous amène là-dessus. On parlait à l'instant de ce gourou Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas, c'est plus de 600 000 followers sur YouTube. Le gouvernement français peut essayer de faire des choses, mais il y a un moment, il faut aussi que YouTube fasse le ménage. Alors ça, on va évidemment souvent hameçonner, enfin attirer, justement, via Internet et les réseaux sociaux. Pas forcément. Souvent, ce qui fait que les gens s'intéressent ou entrent dans un groupe qui, à terme, va les mettre sous emprise, c'est souvent une connaissance, une personne en qui elles ont confiance, en fait, parce que on va pas arriver dans un groupe comme ça au pif. Alors, soit c'est un sujet qui les intéresse, ça peut être une entrée par l'alimentation, par le développement personnel, par le yoga, par tout un tas de pratiques qui sont même l'écologie, qui peuvent, en leur sein, en fait, avoir des idées, promouvoir des idées qui sont en lien avec de la spiritualité. La spiritualité New Age, la spiritualité contemporaine. Et de fil en aiguille, vont se retrouver dans un système qu'ils n'ont pas identifié et qui les met sous emprise. Ouais. Mais les réseaux sociaux fabriquent aussi ça, des communautés. Oui, donc mais... ça peut se regrouper. Oui, ça peut se regrouper. Disons qu'il y a une banalisation, je dirais, du discours, de la spiritualité ou du complotisme sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est par ce biais-là que la personne va entrer. Bien sûr qu'il y a des dérives sectaires qui sont très spécifiquement liées à Internet, mais ce n'est pas forcément systématique. Ouais, Sonia, bah, qu'est-ce que disait Sonia Buchon ? Bon courage pour s'attaquer à YouTube. Oui, mais en fait, alors... Et de quel moyen un État dispose ? On a eu la chance que les plateformes viennent lors des assises des dérives sectaires, ce qui déjà est un... Mais qu'est-ce qu'ils répondent à la démonstration faite par Théo Réuchon des algorithmes qui poussent les contenus complotistes Il est vrai pour les dérives sectaires, mais vous vous intéressez à une voiture rouge, vous n'allez plus voir que des voitures rouges pendant quelques jours sur votre fil d'actualité. Donc l'algorithme fait qu'on ne vous montre plus que ce à quoi vous vous intéressez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec les plateformes? Et c'est ce qu'on est en train... Et on a un certain nombre de plateformes, vous avez cité YouTube, qui va dans le bon sens, qui dit on a besoin de plusieurs choses. Un, nos modérateurs sont pas formés. Ce qui a été évoqué par Jean-Louis Adenor tout à l'heure sur les avocats, c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les magistrats, c'est vrai pour les forces de sécurité, c'est vrai aussi pour les plateformes. C'est-à-dire que pour qu'on leur demande d'enlever des contenus qui sont dangereux, il faut qu'ils sachent les identifier. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite... Il y a donc la question de la formation, la question de retirer très rapidement des contenus dangereux. Ça, c'est une convention qu'on a proposé de signer avec eux et ils sont plutôt partants là-dessus. Et que eux aussi soient en capacité, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, de nous signaler les contenus que eux, parce que nous, on n'est pas non plus tout le temps sur les réseaux sociaux, nous signaler des contenus dangereux qui mériteraient un signalement article. Alors, pendant votre intervention, je voyais... Dubitatif, c'est qu'en fait, c'était, comment dirais-je le discours des GAFA, notamment de Facebook par exemple, c'est de dire qu'il faut être deux pour danser le tango. Et donc, grosso modo, quand vous êtes sur un réseau social, vous dansez le tango avec les contenus. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est votre faute à vous. Je ne crois pas du tout que ça soit la réalité. Et je crois que, justement, le problème de YouTube, c'est que entre un gamin de 14 ans qui nous dit que la Terre est plate ou Thomas Pesquet qui revient de la station internationale, eh ben, il va plutôt pousser le gamin de 14 ans qui dit que la Terre est plate parce que ça buzz plus. Et donc, il n'y a pas que ce que nous faisons, nous, dont nous sommes... En gros, la responsabilité de ce que nous voyons sur les réseaux, elle n'est pas que de nous. Elle est aussi des plateformes. Et effectivement, Thomas, c'est une question que moi j'aurais adoré poser aux représentants des GAFA lors des assises. Hein, mais effectivement, ils étaient dans une autre salle que celle dans laquelle j'avais été convié pour réfléchir. Non, je voudrais quand même préciser un élément. L'une des forces, bien sûr que c'est un hasard. Attendez, je sais très bien tout ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'une des forces. Si vous aviez demandé à changer de salle, vous auriez pu. Hein. Ah, mais bien entendu, je le sais bien, ma secrétaire d'État, il n'y a aucun problème. Préférer être un bon élève et travailler jusqu'au bout. Non, ce que je veux dire, c'est que l'une des forces de ces mouvements sectaires, c'est aussi leur capacité de nuisance. Moi, ça fait 20 ans que je suis journaliste d'investigation, il n'y a que deux fois dans ma vie où j'ai été menacé de procès par des gens dont j'avais parlé dans mes reportages. La première fois, c'est l'église de Scientologie au tout début de ma carrière, et plus récemment, lorsque j'avais invité Elisabeth dans mon émission sur LCI à l'époque, eh bien, nous avions reçu un courrier de la part de la société anthroposophique qui nous menaçait de poursuite pour lui avoir donné la parole. Donc, je suis ravi que vous l'ayez invité ce soir, je suis ravi que Grégoire ait eu la parole aussi, mais ça montre aussi cette espèce de judiciarisation permanente qui est menée par ces organisations et qui est une manière de faire taire la contestation. Et de dire aux gens, eh bien, ne nous critiquez pas, vous allez avoir des problèmes. C'est aussi une des manières qu'ils ont de gagner ce combat un peu déloyal dans lequel nous nous trouvons face à eux. Historiquement, la grande période de lutte contre les dérives sectaires, c'est les années 80-90, qui aboutissent à la création de la Miviludes, il me semble en 2002 de mémoire, je peux me tromper. Et nous, ce qu'on dit, c'est que les années qui ont suivi, c'est-à-dire les années 2000 et encore aujourd'hui, on verra, je pense qu'il y a eu du nouveau, mais bon, il y a eu un désintérêt du politique pour la question des dérives sectaires, pour plusieurs raisons, peut-être parce que l'islamisme a pris beaucoup de place et a raison, peut-être parce que il y a aussi eu cette espèce de paradigme américain qui s'est un peu installé, selon lequel, finalement, tant qu'il n'y a pas vraiment de cas gravissime, chacun est libre et il faut laisser les mouvements cultuels, ésotériques s'installer et s'épanouir. Si cette photo est intéressante, c'est qu'effectivement Nicolas Sarkozy a reçu Tom Cruise, c'est pas le seul d'ailleurs, et qu'à l'époque sa directrice de cabinet dit que ce n'est pas à nous, c'est pas à son cabinet, c'est pas à Nicolas Sarkozy de décider de ce qui est une secte ou non. Ça c'est intéressant parce que sans faire de liste, sans mettre de tampons, bien sûr que c'est à la puissance publique de s'intéresser à ce que font les groupes et les mouvements qui sont présents sur son sol. Bien sûr que c'est important de savoir où les enfants vont à l'école. Bien sûr que c'est important de savoir si une école est une école qui professe un type de spiritualité, qui met les enfants sous emprise. Est-ce que les parents sont au courant de tout ça? Je veux dire, c'est bien sûr que c'est à la puissance publique de le faire. Donc cette photo, nous, on l'a pris, mais voilà, on pourrait prendre, j'imagine, d'autres bornes dans ces 20 dernières années pour le dire. Mais on a pris ce point pour dire voilà. Il y a eu un désintérêt. Il y a eu un désintérêt. Alors moi, ce que je plusieurs années après. Ce que je note, et je vais le dire par honnêteté journalistique également, c'est qu'effectivement là, il y a eu une prise de conscience de la puissance publique et madame la secrétaire d'État en est la représentante ce soir, une prise de conscience de la gravité du phénomène. Mais il faut dire que cette prise de conscience, elle vient aussi après un moment qui a été un moment terrible, qui a été le Covid. Alors ça, on y reviendra. Ouais. Pardon de vous interrompre parce que c'est effectivement un élément très important. Mais Sonia Baquet, je reviens vers vous parce que vous la connaissez bien, malheureusement, cette secte de la Scientologie. Votre maman y a été embrigadée une grande partie de sa vie et vous avez choisi d'en parler publiquement juste avant le lancement des assises nationales il y a deux semaines. Pourquoi ? Oui, alors je suis élu local depuis 15 ans. J'ai fait le choix de ne pas en parler avant pour des raisons personnelles, pas forcément envie d'étaler ma vie. Mais je considère que ce combat-là est un combat à mener. Alors effectivement, il a sans doute été dépassé par les événements qui ont eu lieu en matière de terrorisme, en matière de lutte contre la radicalisation. Tout ça a finalement pris beaucoup d'espace et a sans doute mis un peu de côté la question de la lutte contre les dérives sectaires. Le Covid a fait exploser les chiffres et encore une fois, je le répète, on n'a qu'une partie très très émergée de l'iceberg. On sait très bien que les 4000 signalements annuels de la Miviludes sont une toute petite partie de la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte, qui ne veulent pas en parler, qui ne savent pas, enfin moi j'en ai fait partie avant d'être au gouvernement, qui ne savent pas comment aider ses proches à en sortir, tout simplement. D'où le fait qu'en fait on a vraiment besoin d'avoir une communication la plus large possible, parce que les gens s'imaginent que les dérives sectaires c'est un gourou avec une grande toge et un chapeau pointu. C'est pas ça un gourou. Ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est embarqué par une connaissance, par quelqu'un en qui on a confiance. Et souvent, le gourou, c'est quelqu'un qui a est capable de nous séduire, donc qui nous fait pas peur au départ. Donc tout le monde peut rentrer, donc on a vraiment besoin de communiquer fortement, on a besoin de se construire des outils pour que derrière il puisse y avoir les signalements. Aujourd'hui les gens ne savent pas comment signaler, et donc il y a tout un travail à faire, et ça a été évoqué, mais de formation mais aussi de territorialisation. Quand quelqu'un est touché, qu'il puisse le dire, et quand on a des alertes, et bien qu'il puisse y avoir une remontée d'informations pour qu'on puisse aller chercher les auteurs. L'arsenal législatif. Concrètement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au droit pour lutter contre ces dérives sectaires, ou peut-être mieux prévenir, mieux sanctionner? Et est-ce que vous êtes en mesure ce soir de nous annoncer peut-être un projet de loi ou une initiative de cet ordre-là au niveau gouvernemental? Alors oui, il y aura une initiative, elle sera gouvernementale ou parlementaire, parce que on a voulu aussi faire de ce moment un moment transpartisan. Donc on a invité tous les groupes à venir participer à ces assises des dérives sectaires. Tous les groupes ont participé à l'exception d'un seul. L'idée, c'est vraiment de dire cette problématique, elle concerne tout le monde et elle concerne pas seulement le gouvernement, elle se concerne pas seulement quelques-uns. Donc il y aura une initiative législative parce qu'effectivement il nous manque des outils. Alors tout n'a pas été proposé. On n'a pas été au bout parce qu'il y a un travail interministériel à mener, mais les assises ont fait des propositions, et notamment un certain nombre de propositions sur la question des dérives sectaires à vocation issues du thérapeutique, issues de la domaine de la santé, avec la question notamment de la mise en place d'un délit d'incitation à l'arrêt du traitement. Ça, c'est un élément important. Les cancers, par exemple. Exactement. Un travail aussi sur l'encadrement de ce qu'on appelle les pratiques de soins non conventionnelles. Comment on fait pour distinguer la personne qui va vous encourager à manger sainement, ce qui est normal, et la personne qui va vous encourager à arrêter votre traitement et pour en échange manger des légumes. Est-ce que on a tous les outils, ça a été évoqué par Elisabeth tout à l'heure, sur les pouvoirs d'enquête. On a un travail à mener là-dessus sans aucun doute. Et puis après, sur la question des plateformes, il y a sans doute un travail européen à mener qui va être aussi un peu lourd. Quel est le groupe politique qui a refusé ? Le groupe écologiste. Le groupe écologiste. Intéressant. Pourquoi ? Il faut leur demander à eux. Non, mais je m'adresse à l'expert. Il se trouve que je ne vise absolument pas Europe Écologie Les Verts particulièrement. Je pense plutôt à la sphère écolo, mais je ne vais pas dire de grands secrets en disant ça. Je pense que dans les dérives, ce qu'on appelle les dérives New Age, donc c'est tout un ensemble de corpus de pensée, si on veut, on trouve un certain nombre de mouvements qui sont proches de l'écologie. Alors, je ne dis pas du tout que ça explique le choix de ELP. Bon, on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais bon. On n'a pas voulu rentrer là-dedans. On est vraiment dans une démarche transpartisane qui va de l'FI au RN. On avance dans notre débat. Son impact, l'émergence des réseaux sociaux et donc la démultiplication de micro-influenceurs sectaires. L'une des caractéristiques aussi liées à l'émergence du web, c'est la croissance exponentielle des théories complotistes et de l'hybridation que nous avons constatée avec les phénomènes sectaires. Puisque bien évidemment, ces théories complotistes permettent d'alimenter des discours visant à rompre justement avec le reste de la société. Et sur ce thème, je propose à Tam Trani de nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Rebonsoir Tam, puisque justement vous vous êtes intéressé à ces liens entre les théories complotistes, les dérives sectaires et ces théories qui remettent en cause des vérités scientifiques. Oui, et Thomas Huchon en parlait tout à l'heure, je me suis intéressée au mouvement Terre de platistes, ceux qui pensent et disent que la Terre est plate et non ronde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin sur le web, vous écrivez Terre plate, Terre plane dans votre moteur de recherche et rapidement vous tombez sur ce type de vidéo. La surface de l'eau au repos reste toujours horizontale et n'a pas la capacité de montrer une convexité ou une forme quelconque sur sa surface. Ce fait est facilement démontrable et empiriquement vérifiable, mais complètement en contradiction avec ce que l'on nous dit sur le globe. Si la Terre était vraiment une sphère recouverte de 71% d'eau, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. En réalité, il est tout simplement impossible de faire en sorte que l'eau se comporte de cette façon. Ah, ça fait sourire tout le monde sur le plateau. Hein. Voilà, une vidéo énoncée d'un ton docte avec des arguments qu'il n'est pourtant pas si facile de réfuter. Parce que la force du platisme, c'est que c'est difficile de montrer que la Terre est ronde. Ça demande des connaissances scientifiques, physiques, mathématiques poussées. Si je vous demande si la Terre est ronde, vous allez me dire, Thomas, j'espère oui. Oui. Oui, merci Thomas. Mais parce que c'est pour vous une vérité que vous ne remettez pas en cause. Mais si je vous demande de me le démontrer, je pense que vous n'en êtes pas capable immédiatement, sauf si vous m'avez caché que vous aviez un doctorat en physique ou des grandes connaissances. Regardez l'horizon, on va se rendre compte que voilà, si on est un peu en hauteur, on va se rendre compte de quelque chose. Bref, c'est contre-vérité scientifique, elle gagne du terrain, notamment chez les jeunes. Et oui, un jeune sur six pense que la Terre est plate. Et selon un sondage de l'IFOP, vous avez aussi près de 20% des 18-24 ans en France qui pensent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Mais Thomas, saurez-vous me démontrer le contraire ? Écoutez, mon père construisait des fusées, je ne sais pas si ça va me servir à quelque chose, mais bon. Voilà. Et plus globalement, les jeunes sont de plus en plus nombreux à penser que la science apporte plus de bien que de mal. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'une révolution informative majeure. Les jeunes qui s'informent de plus en plus via les réseaux sociaux, qui estiment que le nombre d'abonnés d'un influenceur atteste de sa crédibilité. Les médias traditionnels qui sont en recul quand ils ne suscitent pas même la défiance. Et les sachants qui ont pour eux de moins en moins de crédibilité. Pour certains. Et dans le contexte post-Covid, eh bien, c'est un public particulièrement réceptif aux fake news médicales nocives et aux discours complotistes. Et alors, on en vient à notre thème, le lien entre ces discours complotistes et les dérives sectaires. Et je vais vous donner un exemple précis, hein, issu du rapport de 2021 de la Miviludes, qui parle du cas de Christian Talchaleur. Écoutez ce qu'il disait du vaccin contre le Covid. Une fois que vous aurez ce vaccin Covid, s'ils arrivent à le faire, vous n'aurez plus aucune liberté. Parce que ces nanoparticules, grâce à la 5G, vont vous relier à l'intelligence artificielle de M. Bill Gates et ses copains. Et à ce moment-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent de vous. Voilà, ce gourou qui se dit médecin diffuse des théories complotistes et puis il s'appuie dessus pour développer des dérives thérapeutiques avec parfois des effets dramatiques. Exemple, en 2016, une mère alerte la Miviludes sur une formation qu'a suivi son fils malvoyant avec Christian Talchaleur et qui l'a conduit à jeûner 30 jours. Et au bout de cette période, il est forcément très affaibli. Il se voit proposer un placement financier par les organisateurs de la formation. Là, on a tous les éléments de la dérive sectaire. En 2021, la Miviludes a traité ainsi 148 saisines qui sont en lien avec le complotisme et le mouvement anti-vax. Alors les partisans de théorie du complot, de contre-vérité scientifique, ne sont pas tous dans des dérives sectaires. Le fait de croire autre chose ou de développer son corpus de contre-vérité n'est pas répréhensible en soi, mais on le voit bien, il y a des zones de contact qui existent. C'est une notion voisine, explique la Miviludes. Certains chercheurs ont même trouvé un néologisme pour désigner ces zones de rencontre entre complotisme et dérives sectaires. Il s'agit de la conspiritualité. Merci beaucoup, Tam, on aura. Ben exactement, je voudrais juste donner un truc pour Tam. En fait, c'est possible de vérifier que la Terre est ronde. C'est possible de le faire. Il suffit d'avoir un copain qui habite à quelques kilomètres, centaines de kilomètres de chez vous, c'est encore mieux. Vous prenez exactement le même bâton, les deux personnes prennent le même bâton. Elles vont tenir ce bâton au même moment de la journée et on pourra calculer la taille de l'ombre portée sur le sol. Ainsi, on peut même calculer la distance entre la Terre et le Soleil. C'est finalement pas si facile de déconstruire un certain nombre de théories complotistes, mais ça demande effectivement souvent plus de temps que le mensonge. Justement, on y est, Thomas. C'est exactement ça le problème. Le problème, c'est que le temps que la contradiction vienne s'apporter à un discours de radicalisation, quel qu'il soit, complotiste, sectaire, djihadiste, politique, eh bien, il va falloir avoir le temps de réfléchir à tout ça. Tous les exemples que vous donnez, Tam, à l'instant, montrent bien quelque chose, c'est que c'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Et donc, du coup, on se retrouve totalement, presque démuni, face à tout un tas de discours qui circulent aujourd'hui sur les réseaux et qui, on l'a déjà dit, sont plus amplifiés par les machines que limité par ces machines. Et donc, le complotisme qui a pris une énorme ampleur dans la société française aujourd'hui, eh bien, c'est devenu une forme de porte d'entrée, effectivement. C'est le premier pas vers tout un tas d'autres dérives, et surtout, tout un tas de choses qui vont vous amener à modifier votre comportement. Soit votre comportement alimentaire, votre comportement vis-à-vis de la science. Là, on écoutait ce Talchaleur, nous, entre spécialistes du domaine, on appelle Tal Golden Chaleur, parce qu'il dit aussi qu'il faut boire son urine pour aller mieux. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont des discours absolument sidérants. Mais comme ils sont séparés d'une forme de raison, ils sont sur leur propre page, et sur laquelle il n'y a pas de contradiction. Eh bien, on se retrouve là, dans une espèce de mécanique qui est terrible. On parle des réseaux sociaux. Ce qu'on a vu aussi avec la pandémie, c'est que maintenant, des systèmes de messagerie instantanée, je pense notamment à la plateforme Telegram, sont devenus de nouveaux médias du complotisme, ouais, dans lesquels les anti-vax, les gourous 2.0, chassés par les grandes plateformes, ouais, retrouvent une nouvelle forme d'audience. Et là, c'est encore pire que pire. Il n'y a même plus de contradictions ni d'observations extérieures. Là, on est vraiment dans une espèce de cauchemar démocratique. Internet, c'est aussi un outil qui permet de faire de la publicité, d'attirer le chaland. Enfin, ouais, il faut dire les choses. Clairement. On voit, par exemple, beaucoup de publicité du mouvement raélien. Donc, Raël, hein, on se dirait, bah, c'est fini, ça, c'était les années 70-80. Ouais. Non, vous avez plein de pubs, là, en ce moment, sur Facebook, pour Raël, le mouvement raélien. Ils sont en bas de chez moi, il n'y a pas longtemps. Ouais, vraiment, ils sont battus moi il y a pas longtemps. Ok. Et donc voilà, donc oui, il y a effectivement un business à faire très clairement avec les croyances. Avec, on parlait tout à l'heure des méthodes de médecine alternative qui, ouais, n'ont de médecine que le nom. Hein. Mais on va vous promettre tout un tas de choses. Et oui, c'est peut-être plus facile encore, pardon de vous interrompre, de faire du business quand on est justement dans ce domaine de la santé, en oui, tout cas de fausse thérapie. Voilà, quand officiellement on ne vend pas de la croyance, on vend du savoir, un savoir caché, un savoir qu'on ne veut pas nous montrer parce que en fait c'est trop simple et ça irait contre les intérêts de Big Pharma, etc. Donc au départ, quand on arrive, et je pense que c'est le cas aussi pour une secte, on arrive dans un mouvement qui nous propose des solutions, qui nous propose de nous aider psychologiquement, qui nous propose des solutions pour notre santé, notre bien-être, etc. Et c'est de fil en aiguille, en fait, qu'on entre dans une croyance. Sans s'en rendre compte, et ça, c'est sans doute la porte la plus difficile, la porte d'entrée la plus difficile à identifier. Ouais. Sonia Baquet, il y a un avant et un après Covid en la matière. Oui, qu'il y a eu l'isolement de la période, il y a eu les craintes liées à la maladie, les délires de certains anti-vax. Bien sûr. Tout ça, ça a créé le terreau. Bien sûr. Et je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'effectivement, c'est la responsabilité de l'État de donner aux gens les outils. Et effectivement, on a des choses à faire en termes notamment d'éducation à l'information. Les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, on peut y ajouter que 30% des jeunes croient à la sorcellerie. Enfin, on peut y ajouter plein de choses. Il n'y a pas que les jeunes. Et il n'y a pas que les jeunes. Aussi, les personnes âgées qui sont un vecteur aussi. C'est ça. Mais il y a au moins, au niveau de l'éducation nationale, et c'est un engagement qui a été pris par le ministère de l'Éducation nationale au moment des assises, quelque chose à faire en matière d'éducation à l'information. On ne voit pas arriver n'importe quel contenu de la même manière, selon s'il est prouvé ou non. Et puis, il y a un outil qui est très important, qui est ce qu'on appelle le pré-bunking. Alors, Thomas Huchon va savoir exactement de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en fait, quand aujourd'hui vous cherchez le jeune, par exemple, ou New Age, eh bien finalement, vous allez voir tous les gourous arriver en premier dans votre résultat de recherche. Eh bien, notre rôle, c'est de fournir des outils. Vous parliez de la Terre plate tout à l'heure, et on a eu un exposé rapide de Thomas Huchon pour expliquer que non. Et donc, un contre-discours. Oui, mais si les plateformes ne le poussent pas, ce contre-discours... Justement, ça fait pas... Et certains, en tout cas de ce qu'on a vu, sont d'accord pour signer avec nous un accord pour dire, eh bien, effectivement, on peut pousser ces contenus-là parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à être accusés d'avoir favorisé les dérives sectaires. Évidemment, en termes de réputation, ils n'y ont pas d'intérêt. Donc, effectivement, si on arrive à pousser des contenus, ça n'enlève pas la liberté des gens de croire que la Terre est plate. Tout le monde a le droit de croire en ça. Mais au moins, de donner aux gens de l'information vérifiée, vérifiable, scientifique, qui arrive avant le reste. Ce lieu, on y est, à la clairière de sable. Alors c'est là qu'avaient lieu les cours de sport de l'école Steiner. Et en fait, tout autour de ce lieu, il y avait les exactions des élèves sur les autres, les passages à tabac systématiques, les blessures, les exactions sexuelles, ils nous faisaient manger nos excréments. Des actes qui se seraient déroulés sous le regard des professeurs. Pour les professeurs des écoles Steiner, les élèves qui viennent dans une classe, ils se réincarnent et ils ont des comptes karmiques à régler. Et il faut leur laisser régler leurs comptes, y compris par la violence. À quelques mètres de là, l'école Steiner de Verrières-le-Buisson dans l'Essonne. Un établissement sous contrat avec l'éducation nationale, où Grégoire Perra a été scolarisé de ses 9 ans à ses 18 ans. Ça me rend triste, ça m'écœure, ça me révolte que cette école soit encore là. Et Pignon sur rue affiche ses portes ouvertes, alors qu'elle devrait être interdite, alors que dans une république, ce genre d'école n'a pas sa place. L'endoctrinement n'a pas sa place dans l'enseignement. les enseigner, ce n'est pas endoctriner, ce n'est pas transmettre les croyances délirantes de l'anthroposophie. L'anthroposophie, c'est un mouvement créé par Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Ses adeptes croient en l'existence d'un monde invisible, régi par des forces cosmiques. Grégoire Perra a gardé tous ses cahiers d'écolier. Le soleil, pour les anthroposophes, a émergé de la Terre à un moment donné, et la Lune également. Et c'est ça, pour les anthroposophes, qui a créé la division des sexes. Je regarde ce cahier, vous voyez, cinquième jour. La séparation du soleil et de la Lune correspond à la séparation lors de la sixième phase de la formation de l'embryon. Des théories subtilement dissimulées à l'éducation nationale et aux parents, qui croient inscrire leurs enfants dans une école à la pédagogie alternative de type Freinet ou Montessori. On est complètement imprégné, pénétré par cette doctrine dont on n'a pas conscience, parce que en fait, le problème, c'est que cette doctrine n'est pas nommée, donc on ne sait pas que c'est l'anthroposophie. Endoctriné, Grégoire Perra devient lui-même professeur dans une école Steiner. Mais il fait aussi des études de philosophie qui vont l'amener à tout remettre en question. Alors ça, c'est une photo dont je suis fier parce que c'est la... Quand j'avais 39 ans, en fait, j'ai rompu avec l'anthroposophie et j'ai rompu en le disant clairement lors d'une conférence à la Société anthroposophique. À cet instant-là, je viens de faire ma conférence en leur expliquant qu'ils étaient une secte. Grégoire Perra devient alors le premier Français à dénoncer publiquement les dérives sectaires de l'anthroposophie et des écoles Steiner. Un engagement qu'il va payer très cher. Il y a eu les procès, il y a eu le harcèlement, les processus de diffamation, de rumeurs sur ma personne, dans le but de briser toute vie personnelle et professionnelle. Donc moi, en fait, depuis 10 ans, je vis avec des menaces de mort, des menaces d'agression physique, des gens qui me suivent dans la rue, des gens qui me diffament sur les réseaux sociaux, et il n'y a aucune protection par rapport à ça. Attaqué 6 fois pour diffamation, Grégoire Perra a gagné tous ses procès contre les représentants de l'anthroposophie. Depuis 2018, le gouvernement a reçu plus de 50 signalements pointant des risques de dérives sectaires dans les écoles Steiner. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, en los puentes solo quedan las que son republicanas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Charline Vanhoenacker, difficile de croire qu'hier, 1er mai, c'était la fête des travailleurs. Non, mais qui m'a organisé cette petite fête? C'était ni fait ni à faire, hein. Il n'y avait que des gens qui n'étaient pas invités au départ. Les gilets jaunes, les CRS, les casseurs. Tout le monde s'est incrusté à la fête des syndicats à tel point qu'on a oublié qu'il y avait des syndicats. Si le secrétaire général de la CGT n'avait pas été exfiltré du cortège, on n'a peut-être pas vu que la centrale défilait. Philippe Martinez s'est retrouvé coincé entre les casseurs et la police, pris en sandwich, quoi. Maintenant, au moins, il sait ce que c'est que d'être une merguez. Avec une journée aux couleurs des Black Blocs, des gilets, des syndicats, la presse a qualifié ce 1er mai de « noir, jaune, rouge ». C'est précisément les couleurs du drapeau belge. C'est dire si c'était bien parti pour être une vaste blague. Et en effet, alors que le matin, les rues étaient parfumées par les vendeurs de muguet, l'après-midi, c'était un brin tendu. Déjà que les travailleurs et les travailleuses sont sous tension toute l'année et souvent en proie à la violence de l'entreprise, le 1er mai, c'est leur fête et ils peuvent même pas se détendre. J'ai regardé à la télé hier, même Arlette Chabot, Jean-Michel Apathy, ils étaient perdus dans tout ce foutoir. Ils ont passé l'après-midi à commenter un match de foot avec quatre équipes sur le terrain. À la fin de la manif, la police avait maintenu le calme et les Black Blocs avait quand même réussi à foutre le bordel, donc tout le monde a gagné, sauf les travailleurs. D'ailleurs, on dira ce qu'on voudra, mais les seuls qui n'ont pas chômé hier, c'est bien les Black Blocs et les flics. Il y a eu des tas d'interpellations. Hein. D'ailleurs, vous n'y étiez pas, monsieur Asselineau ? C'est dommage, François. François, vous auriez pu ressortir vos menottes ? Vous avez là ? Ils vous ont plu, mes menottes. Ah, beaucoup, beaucoup. François, les menottes, coquinouva. Alors voilà, hier, il y a vraiment qu'à Caracas que ça a été pire que chez nous. Avant le 1er mai, c'était une fête familiale, on venait avec les enfants, les poussettes. Mais maintenant, c'est plus possible. C'est pas tellement que ce soit devenu dangereux d'emmener les enfants. C'est surtout que la poussette est considérée comme une arme par destination. Mais alors, avant d'assommer un policier à coups de poussette, oubliez pas d'abord de faire descendre le mioche qui pionce à l'intérieur. Oui, merci Charline Vanhoenacker. Madame Béthou avait promis, Madame Béthou avait tout, de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne peut pas manquer, grâce à nos canonniers, dans un lac à Magnole, vive le son, vive le son. Dans un lac à Magnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Plus des pauvres chez nous, plus de riches des vous. Dansons la campagnole, vive le son, vive le son. Dansons la campagnole, vive le son du canon. Qu'est-ce qu'il en républicain, qu'est-ce qu'il en républicain. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi. Difficile de faire grève. Personne ne fait grève pour le plaisir dans ce pays. Quand vous avez déjà 10 jours de grève, que vous avez perdu des centaines d'euros et que vous êtes sur des tout petits salaires, parce que c'est de ça dont on est en train de parler, c'est très dur de tenir la grève. Et donc oui, bah il y a des choses où on essaye de tourner, on essaye de faire en sorte de pas tous faire grève le même jour, parce que sinon on n'y arrive pas. Donc oui, c'est légitime, parce que quand vous regardez, c'est très largement partagé le fait que non, ils ne veulent pas de cette réforme des retraites. Donc c'est des blocages, des piliers de grève. Hein. Ben oui, en fait, c'est des moyens d'action pacifiques qui sont utilisés mais c'est pour légal. Voilà, on parlait tout à l'heure de légalité, de légitimité. Ouais, mais je vais vous dire, alors Pizzorno, il peut, alors c'est illégal. Je vais vous dire quand même quelque chose. Alors le droit de grève, c'est constitutionnel quand même, et je le dis. De grève, c'est illégal. Et Pizzorno, il peut nous parler de légalité parce que Pizzorno est en toute illégalité à embaucher dès le début de la grève. Il a embauché des intérimaires pour remplacer les grévistes, ce qui est illégal, et que maintenant il a fait venir des gens de Seine-sur-Mer, de Draguignan, donc du sud, pour travailler à la place des grévistes. Donc je trouve qu'en termes de légalité, on n'a pas trop de leçons à recevoir sur cette question. Se déclenchent toutes les semaines à cause de ces batteries, car il suffit de les transpercer, comme lors de cette expérience de laboratoire, pour qu'elles s'embrasent et brûlent parfois très longtemps. La production de flammes qui peuvent être de type torchère, plus ou moins importante en fonction de l'importance de la batterie. Et puis on a également surtout, très impactant pour les personnes qui sont à proximité et pour les services de secours lors des interventions, on a un fort dégagement fumigène, donc des fumées qui sont très, très opaques et très importantes. Les batteries au lithium sont aujourd'hui interdites en soute dans les avions, seulement autorisées en cabine pour permettre une intervention en cas d'incident. Un dernier recueillon de chats chinois ont été repérés autour de l'île. 29 auraient même dépassé la ligne médiane qui sépare la Chine de Taïwan. Hugo Pufné. Nouvelle manœuvre militaire et nouvelle tentative d'intimidation chinoise. Avec ses vedettes lance-missiles, ses avions de chasse, ces ravitailleurs, la Chine annonce ce matin des exercices pour encercler totalement Taïwan, dans une zone très disputée, ce détroit, où à peine 130 km séparent les deux ennemis. La Chine veut envoyer un avertissement face à des activités qu'elle juge provocatrices, car cette semaine, la présidente de Taïwan s'est rendue chez ses alliés, les États-Unis. Elle a enchaîné les rencontres avec des parlementaires américains pour s'assurer de leur soutien militaire. Ces dernières années, nous avons été confrontés à un expansionnisme autoritaire continu. Nous continuerons à travailler avec les États-Unis et d'autres pays aux opinions similaires pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie. Face aux exercices chinois, Taïwan ce matin a diffusé ses images de ses troupes prêtes à répondre aux activités militaires de Pékin. Une guerre de posture qui ne devrait pas dégénérer. La Chine n'aurait pas l'intention d'envahir Taïwan, selon ce spécialiste. Chacun montre un peu ses muscles, mais dans la réalité, on ne peut pas dire que ce soit une crise extrêmement importante. Cette fois-ci, il y a eu bien pire. Là, on est dans les relations normales. Des tensions récurrentes. L'été dernier, la Chine était allée encore plus loin en tirant des missiles balistiques qui avait survolé Taïwan. Aux États-Unis, c'est un petit pas de plus pour les opposants à l'avortement. Chacun de ces entretiens, ce qu'il a mentionné, c'est le sommet du 22-23 juin sur le financement du développement et du climat. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on est à un moment où les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, ne fonctionnent plus pour financer à la fois le développement et la transition climatique. On a besoin de la Chine pour ça. La Chine détient maintenant entre 20 et 40% de la dette de la plupart des pays développés. Donc on ne peut plus faire de la gouvernance mondiale sans la Chine. Et donc plus il y a une logique de compétition et de rivalité sino-soviétique, moins on arrive à faire de la coopération, de la gouvernance mondiale. Et je pense que c'est ce que voulait dire le président. Ça ne veut pas dire que on n'est pas, et il l'a dit aussi, il me semble assez bien, et ça veut dire qu'on n'est pas dans le camp de la Chine ou qu'on est à équidistance. Évidemment, on est plutôt dans le camp des démocraties et ça, ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'il faut mettre l'accent sur Taïwan et aller le chercher là-dessus alors que on a besoin de parler de ces sujets de coopération qui sont aussi importants, voire davantage pour l'avenir de l'humanité? Mais est-ce qu'on peut ne pas parler de Taïwan? De la même manière, est-ce qu'on peut ne pas parler de l'Ukraine? Parce que dans ces conditions, cette logique, elle pousse à mettre de côté tous les conflits pour espérer de la coopération. Bien sûr, c'est plutôt une question d'accent, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on met l'accent? Si j'ai bien compris, dans les deux jours d'entretien, le jeudi et le vendredi, il y a eu Taïwan a été évoqué, l'Ukraine a été beaucoup évoquée, mais Taïwan aussi. Mais voilà, on est dans un monde complexe où il faut arriver à combiner, à articuler coopération et compétition. Et donc, si évidemment vous arrivez avec uniquement des sujets où vous mettez en avant Taïwan et vous ne devriez pas faire ci, vous ne devriez pas faire ça, mais pas tout, c'est un peu compliqué de parler du reste. Oui, la question, je ne sais pas si c'est de faire ci ou de faire ça, mais si demain, dans un an, dans 10 ans, il y a une guerre concrètement entre la Chine et Taïwan, que fait-on? Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes, et je pense que les Chinois n'ont pas beaucoup de doutes là-dessus. Bien sûr, ils prennent un malin plaisir à insister sur la notion d'autonomie stratégique. Et imaginer que les Européens peuvent être complètement neutres, par exemple, sur le plan de Taïwan. Dans la réalité, ils savent bien que ça ne sera pas le cas. Et que simplement, occupons-nous d'abord de l'Ukraine, et ensuite, on n'a pas besoin forcément de ramener cet irritant dans la discussion diplomatique. Ça fait aussi partie du jeu. Emmanuel Macron, il a beaucoup parlé d'Europe pendant ce déplacement. Il a tenu à être encore accompagné par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Présidente de la Commission qu'on a vu beaucoup en retrait, pas le même ordre protocolaire. Emmanuel Macron est en visite d'État, ça implique un cérémonial. Elle, non, souvent derrière, un peu reléguée, moins présente dans les rencontres, voire pas du tout. Qu'est-ce que ça dit de la place de l'Europe ou de Xi Jinping? Est-ce qu'il ne veut pas traiter avec l'Union européenne ou est-ce que l'Europe ne compte pas dans cette histoire? Alors, il y a traditionnellement une réticence chinoise à traiter avec l'Union européenne, qui est un animal différent, qui n'est pas un État, et qu'il ne considère pas du tout comme son égal. Il ne la considère pas comme une chef d'État, elle ne l'est pas d'ailleurs, et donc c'est difficile. Mais il y a quand même une persistance chez Emmanuel Macron sur le fait de ramener l'Europe dans le jeu. On se souvient qu'en 2019, quand a été célébré le 55e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine, il avait tenu à inviter Angela Merkel, et à l'époque Jean-Claude Juncker, et donc à faire une sorte d'équipe Europe unie pour discuter avec Xi Jinping. Et là, d'avoir Ursula von der Leyen avec lui. Alors c'est vrai que alors les Chinois ont joué sur le décalage entre les deux personnages, mais il n'empêche que l'argument a été présenté. On s'est même demandé s'il n'y avait pas une répartition bad cop, good cop, avec notamment Ursula von der Leyen, qui a eu, elle, un discours très fort sur les droits de l'homme. Emmanuel Macron n'en a pas du tout parlé. Un discours plus dur, de jeudi de la semaine d'avant, indiquant notamment l'importance de dérisquer la relation sino sino-européenne. On va revenir sur ce terme qu'on a tous un peu découvert cette semaine. ça arrive, le dérisquage. Mais avant ça, c'est européenne, qui est quand même une position traditionnelle gaulliste, en fait, hein, de non-alignement sur les deux grands blocs, avec quand même la préférence pour l'un des deux blocs. C'est ce qu'a dit le président de la République et c'est ce que vous venez de rappeler en cas de conflit à Taïwan. Il y a une volonté française. Je ne dirais pas qu'il y a une position européenne. C'est d'ailleurs tout le problème de l'Europe que Ursula von der Leyen a eu le mérite d'essayer de cristalliser avec ce discours du 30 mars où elle a dit très très clairement la Chine, c'est un rival systémique, ça c'est un autre adjectif devenu très à la mode, systémique, ce ne sont pas des partenaires commerciaux qui respectent les règles du jeu. Il y a, or, le seul levier, et c'est ce que j'avais cru comprendre dans cette très bonne idée du président français de convier la présidente de la Commission à venir avec lui, même si les jeux de rôle, effectivement, les Chinois ont très habilement joué sur cette différence de statut, de protocole, etc. Mais le seul levier que l'Europe en tant que telle, beaucoup plus que la France toute seule, peut avoir sur la Chine, c'est le marché européen. Xi Jinping a un problème. Il en a plusieurs. Mais il en a un qui est de faire redémarrer l'économie, qui a énormément ralenti après 3 ans de folle politique du zéro Covid. Donc le levier européen, le marché européen, 500 millions de consommateurs, c'est majeur. Mais le président français joue la carte européenne, mais il se fait accompagner de 22 chefs d'entreprise français, dont l'objectif tout à fait légitime de leur part, c'est évidemment de vendre à la Chine. Donc il y a un espèce de côté, clopin-clopon, où d'un côté on dit, voilà l'Europe, vous devez comprendre, alors que tout le jeu chinois, depuis que l'Union européenne existe, consiste à essayer de diviser les Européens entre eux. Donc, les Allemands, qui sont beaucoup plus dépendants que nous, ne serait-ce que parce que leur économie est beaucoup plus puissante, très dépendants du marché chinois, Scholz y est allé tout seul, l'Espagnol y va. Donc, les Européens, sur ce plan-là, doivent jouer unis, et c'est très très difficile. Mais s'agissant, encore une fois, du rôle de la France, c'est très difficile d'un côté de dire « nous sommes l'Europe, donc prenez-nous en compte en tant qu'Europe » et en même temps de se faire accompagner par des entrepreneurs français qui sont très contents de vendre leurs hélicoptères et leurs avions. C'est un autre problème. Et un troisième point de possible naïveté qu'on voulait évoquer avec vous trois. Parce que je crois que Marc Dugand, vous avez un point de vue là-dessus qui peut nous intéresser également. Est-ce qu'il est naïf de croire qu'on peut faire du business avec la Chine sans tomber dans la dépendance chinoise Gallagher, avec ce terme, enfin, le terme, on en parle depuis 2-3 minutes. Justin Weiss, vous l'avez évoqué, donc il rentre dans cette grande famille des néologismes qui nous écorchent les oreilles. On a eu des convictions, maintenant on a des risquages. Très concrètement, je crois que ça veut dire réduire, mitiger le risque afin de rendre une situation plus sûre. Et concernant la Chine, ça veut tout simplement dire essayer autant que faire se peut de réduire nos dépendances, en l'occurrence nos monodépendances, à l'égard de la Chine dans certains secteurs. Oui, et on peut s'interroger, quand vous l'évoquiez, Christine O'Krent, à l'instant, quand on regarde la composition, justement, de cette délégation, sur cette réelle volonté de dérisquage. Vous y étiez, Justin Weiss, mais il y avait aussi 53 chefs d'entreprise français, parmi lesquels 53. Et donc, c'est sur 80, ça fait quand même pas mal, parmi lesquels les dirigeants Danone, L'Oréal, du Club Med, d'Alstom, des Galeries Lafayette. L'objectif, il est clair, il est assez simple et classique dans ces moments-là, c'est de signer des contrats. Un exemple, le géant Airbus qui a signé une nouvelle ligne d'assemblage en Chine qui va lui permettre de doubler sa production sur le territoire chinois. On a connu plus dérisquant comme voyage, réduction de cette dépendance à la Chine, non? Non, tout est une question de proportion. C'est-à-dire quand on dépend de la Chine, par exemple, pour les terres rares, qui sont un certain type de métaux à 97%, là, il y a un risque, parce que si jamais il y a, par exemple, une opération sur le détroit de Taïwan, il n'y a plus de terrain. Les Chinois avaient montré ce qu'ils pouvaient faire quand ils les avaient coupés à l'exportation pour les Japonais dans les années 2000. Et ils ont même encore récemment menacé de couper les exportations de terres rares qui sont nécessaires pour la technologie. Non, moi je pense qu'il faut continuer à commercer. C'est important pour des raisons de croissance de l'Europe et de croissance de la France en particulier, mais qu'il ne faut pas se rendre dépendant. Et c'est là qu'on dérisque d'être à 100% ou à 90% ou à 80% dépendant. Et alors c'est très vrai pour les minéraux critiques, pour le lithium et pour un certain nombre des minéraux nécessaires à la transition énergétique. Et donc là, il faut agir de façon volontariste. Pour le reste, le commerce n'a jamais empêché la guerre, mais il est certain que quand on développe... On revient cru, là, on en aura. Oui, bien sûr, mais on sait que ça n'est pas vrai. On sait qu'en 14, le commerce allait bon train entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne et la France, etc. Par contre, il peut jouer un rôle d'amortisseur, il peut jouer un rôle de contact entre les populations, il peut renforcer la prospérité. Donc, c'est tout de même positif, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique. Marc Duguin, je crois que ce n'est pas votre tasse de thé. L'idée de la production en Chine de produits qu'on importerait en France, vous y voyez pas, vous, un élément de prospérité, un élément de croissance? Vous y voyez plutôt des inquiétudes? Moi, j'ai une inquiétude qui est assez viscérale sur le mode de consommation et de production dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de névrose obsessionnelle dans la consommation et donc dans la production. Mais il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, le mode de vie des Français est dû en grande partie au fait qu'on a fait produire énormément de choses. Je ne veux pas citer de marques, mais il y a des marques aujourd'hui françaises qui importent 70% de ce qu'ils vendent de Chine. Donc on a bénéficié extrêmement durablement de cette différence de coût de production et de Chinois quand même assez mal payés, il faut bien le dire, qui le sont de mieux en mieux, mais qui au départ on a profité de ça. Après, moi je crois que l'idée de la France qui se met comme ça fait très balancement circonspect qu'on apprend à l'ENA, que je n'ai pas fait par ailleurs. Mais je trouve que c'est un manque de réalisme en fait. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire une vraie Europe, si on veut être une troisième puissance. Et tant qu'on ne sera pas une troisième puissance, on sera toujours collé, en plus à travers le temps, aux États-Unis. Donc il ne faut pas faire semblant. Et je trouve que cette façon de dire « oui, on pourrait revenir à De Gaulle, mais on est rentré dans le temps depuis, et on y est jusqu'au cou ». Donc je comprends que j'ai assez écrit sur les États-Unis, vous le savez, je suis assez critique sur les États-Unis pour dire « bon, on ne va pas tout gober à 100%. » Mais La réalité, c'est que la France seule, à la fois sur le plan militaire, sur le plan économique, c'est quelque chose, mais c'est quand même pas grand-chose, donc à l'échelle du monde. Donc il faut être réaliste, et je pense que ce lien avec les Américains, on est bien content de l'avoir recréé avec Biden, parce que sous Trump, quand les Russes ont commencé à envahir l'Ukraine, on était quand même content que les Américains soient là. Sinon, je pense que ça aurait pris des proportions totalement différentes. Tout à fait d'accord. Justin Weiss ? Tout à fait d'accord avec ce que dit Marc Duguin. Il me semble que justement, c'est ça toute la difficulté. C'est à la fois d'avoir une autonomie stratégique européenne, de ne pas être une puissance d'équilibre au sens d'équidistance entre les uns et les autres, et de desserrer un peu cette contrainte de plus en plus forte de la polarisation du monde pour pouvoir coopérer. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et pour ça, je crois quand même qu'il faut... Les chefs d'entreprise qui étaient à Pékin n'étaient pas que des entreprises du CAC 40. Il y avait aussi beaucoup... Enfin, moi, j'ai découvert des tas d'entreprises de taille moyenne ou de start-up qui développent dans des domaines de technologie, des technologies avancées dont elles font commerce avec d'autres pays, les États-Unis, la Chine et d'autres. Et c'est aussi ça, disons, la diversification du monde et de notre économie, c'est plutôt positif, il me semble. Merci beaucoup d'être venu vous éclairer. Allez vous reposer. Le décalage horaire est terrible dans ce sens-là, je crois. À la fin de son voyage d'État, Emmanuel Macron a répondu à des questions d'étudiants chinois à Canton. Une question posée à 10 000 km de la France en dit long sur la crainte mondiale suscitée par un sujet bien particulier. L'émergence de ChatGPT a été eu un impact énorme. Quel avantage apporterait-elle à la société et quels sont les risques? quels sont les risques, l'impact de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, sujet d'inquiétude et de fascination mondiale de la Chine donc à la France depuis quelques semaines. ChatGPT a fait entrer l'intelligence artificielle dans le débat public. ChatGPT, vous savez, c'est ce robot, ce logiciel qui permet de dialoguer avec une machine qui en sait beaucoup plus que nous. Il pourrait écrire peut-être votre prochain roman, Marc Duguin. Avec plaisir. Avec plaisir cette semaine. On a même vu des robots répondre à des questions avec des expressions de visage ultra réalistes, qui est aussi ultra inquiétant. Mais cette technologie, qui ne permet plus vraiment de distinguer le vrai du faux, lance un défi à nos démocraties. Pour mieux comprendre ces enjeux, on doit s'arrêter sur l'homme qui est derrière ChatGPT. Il s'appelle Sam Altman, mauvais génie de la Silicon Valley ou pas. C'est un sujet de Diana Buitrago avec le édito. So you are the CEO of OpenAI, 37 years old. Your company is the maker of ChatGPT, which has taken the world by storm. Sam Altman, c'est un peu la figure star de l'intelligence artificielle aujourd'hui. This will be the greatest technology humanity has yet developed. Il n'a pas 40 ans et il n'a jamais connu d'échec. We can make the world amazing, and we can make people's lives amazing. We can cure diseases, we can increase material wealth, we can like help people be happier, more fulfilled, all of these sorts of things. Altman, pour moi, aujourd'hui, c'est probablement le personnage de l'année. C'est quelqu'un qui marquera l'histoire. Je pense qu'il restera dans l'histoire de la technologie aux côtés de Elon Musk et Steve Jobs. Sam Altman, il est né en 1985 à Chicago. Il a une enfance assez privilégiée. Il est issu comme genre les plus emblématiques de la Silicon Valley, d'un milieu classe moyenne supérieure. Il a ce parcours qu'on retrouve beaucoup dans les plus grands entrepreneurs. C'est, il a fait Stanford, qui est vraiment l'université de la tech de la Silicon Valley. Déjà, la Silicon Valley, il faut s'imaginer que c'est un territoire qui est vraiment... C'est pas très grand, quoi. C'est-à-dire que vous êtes au sud de San Francisco, avec une densité assez folle, sur quelques dizaines de kilomètres. Vous avez les principales capitalisations boursières de la planète et tout un tas d'entreprises qui rêvent tous de changer le monde. Et là, il va vraiment entretenir le mythe de la Silicon Valley, de geek, nerd, qui rentre très tôt dans une grande université et qui la quitte. Et lui, il a passé très peu de temps, puisqu'il a 19 ans, et il a décidé de se consacrer à son projet de géolocalisation. This is the best version of Loop that we have ever made. Qui a été revendu quelques années plus tard à une entreprise pour 40 millions de dollars. Il est finalement dans un courant assez commun dans la Silicon Valley, de gens qui sont plutôt de sensibilité démocrate et qui sont persuadés que le progrès technologique va sauver l'humanité. I think it's good. It's not only okay, it's good to have strong ideas about the future. Comme beaucoup de riches entrepreneurs, ils multiplient un petit peu les investissements. Donc il s'était lancé dans des investissements pour développer la fusion nucléaire, par exemple, ou le traitement du cancer. Mais au fur et à mesure, il va progressivement se recentrer dans l'intelligence artificielle parce que pour lui, c'est là qu'il aura le plus grand impact sur l'humanité tout entière. I think there are, the science fiction version is either that we enslave it or it enslaves us. But the happy vision of the future is sort of humans and AI in a symbiotic relationship, distributed AI, where it sort of empowers a lot of different individuals. Sam Altman, quand il a créé OpenAI, c'était vraiment cette idée très très forte que les technologies, notamment l'intelligence artificielle, étaient la propriété de quelques-uns, de grandes entreprises comme Google ou Facebook. Et donc il fallait créer une entreprise à but non lucratif qui allait développer en open source, c'est-à-dire tout le monde peut s'emparer de ces développements pour les développer de son côté. À ce moment-là, Sam Altman a une posture qu'on pourrait trouver un peu paradoxale parce que à la fois, il pense que l'IA, voilà, peut entraîner des conséquences extrêmement bénéfiques comme extrêmement graves, mais pour lui, c'est quelque chose qu'il est important de développer parce que ça va être développé quoi qu'il arrive, et autant le développer par des personnes qui ont conscience des moyens qu'on pourrait mettre en place pour limiter au maximum les risques négatifs. AI can be the best or the worst thing ever to happen to humanity, and we're working really hard to make sure it's the best. But I'd be lying if I said I was 100% confident in our plan, because we're, you know, if you create something that is sort of more powerful than the creator, it's difficult to be 100% sure that we can control it. Les gens avec qui il a fondé cette organisation étaient des gens déjà très installés dans la Silicon Valley, puisqu'on retrouvait Elon Musk, on retrouvait quelqu'un comme Peter Thiel, qui a été le premier investisseur extérieur de Facebook. Il y avait Reid Hoffman de LinkedIn. Je pense qu'à partir du moment où on crée une structure comme celle-ci, avec les personnes qui étaient autour de la table, dans un environnement qui est celui de la Silicon Valley, où on se retrouve dans des lobbies de grands hôtels pour discuter de l'avenir du monde et de l'humanité, On n'est jamais dans des démarches désintéressées. Le grand basculement, c'est au moment où ils ont décidé de devenir une entreprise à but lucratif. We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit. So we needed some of the benefits of capitalism. This promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things. En novembre, ils ont publié ChatGPT et ça a été une révolution planétaire. Parce que tout le monde a pu comprendre la puissance de l'intelligence artificielle. Il a réponse à tout, aux questions les plus sensibles, comme aux sujets sérieux. Ce logiciel incollable, c'est ChatGPT. Imaginez conversar con una máquina como si esta fuera un humano. Dejen de imaginar porque la inteligencia artificial lo ha conseguido. After ChatGPT came out last November, it has attracted more than a million users. Il y a eu tout un tas d'examens, le SAT, le barreau américain, qui ont été franchis haut la main par cette technologie, et ça a vraiment beaucoup impressionné. Je crois que ça a même provoqué un choc aux États-Unis où les gens se sont dit « Mais waouh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que cette technologie fait ça très facilement ?» Et ce que ça traduit aussi, c'est depuis l'année dernière, une accélération très notable, une espèce de course aux armements en matière d'intelligence artificielle, avec les grands acteurs économiques qui se font un peu la guerre, quoi. Je pense que Sam Altman a plus peur de se faire dépasser par ses concurrents que par la technologie. L'objectif, c'est plus le bien commun, c'est de battre Google. D'après lui, en fait, il vaut mieux publier des outils comme ChatGPT un peu imparfaits, mais qui participent à familiariser les gens avec les intelligences artificielles, plutôt que d'attendre de créer un modèle parfait en secret dans une boîte et de le libérer dans une société qui serait pas du tout préparée à ça. On the one hand, there's all of this potential for good. On the other hand, there's a huge number of unknowns that could turn out very badly for society. There's like a set of very bad outcomes. One thing I'm particularly worried about is that these models could be used for large-scale disinformation, for offensive cyber attacks. A thing that I do worry about is we're not going to be the only creator of this technology. There will be other people who don't put some of the safety limits that we put on it. Il y a beaucoup de monde qui écoute ce qu'il dit, y compris les régulateurs, quand il avertit de tous les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Sam Altman explique que ça peut causer de gros problèmes en termes de désinformation, en termes de remplacement d'emploi, mais qu'il faut s'y préparer. C'est un bon communicant, c'est-à-dire qu'il a bien conscience que c'est un sujet extrêmement sensible et que s'il veut mener à bien son bateau, il doit faire très attention à l'image qu'il donne. Sam Altman est quelqu'un qui a un regard jeune et souriant à l'égard de la technologie et très optimiste. Donc on verra dans les années à venir s'il a raison ou s'il a tort. La tête de Marc Duguin pendant le reportage, c'est aussi peut-être votre tête en regardant et en découvrant Sam Altman. Vous nous expliquerez pourquoi. Vous avez l'air aussi inquiet et peut-être désespéré aussi de voir ce qu'on vient de voir. Mais faut-il être pour autant optimiste et penser que l'intelligence artificielle est un progrès qui peut sauver l'humanité? On va se poser la question avec vous à ce moment-là. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous, Sam Altman est loin d'être un inconnu. Vous ne le découvrez pas ce soir. Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques du numérique. On entend à un moment donné, et c'est ça qui nous inquiète beaucoup, hein, Sam Altman dire que le meilleur comme le pire peut advenir. On va parler du pire. Mais d'abord, le meilleur. Il parle de la médecine. Faites-nous un peu rêver. Alors, le meilleur... D'abord, sans ni faire peur, oui, ni fantasmer la chose, aujourd'hui l'intelligence artificielle est déjà omniprésente hein, dans nos usages, notre quotidien. Et pendant longtemps, enfin en tout cas toutes les dernières semaines, on en a beaucoup parlé, et ça a été un de leurs objectifs, à tous collectivement, de faire un énorme battage médiatique autour de cette question-là pour que justement... C'est réussi. Et c'est réussi, puisqu'on le fait, et qu'on le fait encore. Mais on a souvent présenté la question sous forme de quelque chose à venir, comme si c'était une perspective, une révolution qu'il fallait craindre, ou pas d'ailleurs, mais quelque chose qui était annoncé dans le futur. Ce n'est pas du tout une révolution qui nous attend, c'est une révolution qui a déjà eu lieu. L'intelligence artificielle, elle est déjà omniprésente. Concrètement. Et dans le monde. Exactement. J'y viens tout de suite. Dans le grand monde de l'intelligence artificielle, les algorithmes de recommandation dont on parle tant, la reconnaissance faciale, la santé prédictive, les voitures autonomes, l'ensemble de tout ce que vous ne voyez pas, les systèmes experts de captation et de traitement des données pour tout un tas d'usages, dans l'industrie, dans l'armement, militaire, j'entends, tout ça existe déjà. Parce que l'IA, d'abord, c'est une capacité à capter une quantité gigantesque de données et d'en sortir précisément quoi ? De l'intelligence. Oui, la question qu'on a choisi de se poser ce soir, c'est est-ce que ça représente un risque pour la démocratie? Si oui, lequel? Vous le disiez, elle est déjà parmi nous, cette intelligence artificielle. Exemple en Allemagne, pour parler de démocratie, le parti d'extrême droite, l'AfD, qui a 78 députés au Bundestag, dont l'homme qu'on va voir qui s'appelle Norbert Kleinwarter. Eh bien, son parti, l'AfD, a fait une campagne anti-migrants, comme il le fait souvent, bien sûr, en utilisant des visuels produits, on en voit un derrière vous, par de l'intelligence artificielle, sans le dire, en tout cas dans un premier temps, même si on peut voir en voyant le visuel, effectivement, on peut se douter peut-être qu'il s'agit, voilà. Qu'est-ce que ça dit, ça, quand même, de l'avenir de nos démocraties? On est dans le présent. Qu'est-ce que cette menace représente? Vous avez collé deux termes, deux concepts qui sont fondamentaux. Démocratie, on y reviendra peut-être, parce qu'il y a toute la lecture idéologique qu'il faut absolument avoir de tous ces acteurs-là, qui ne sont pas des technologues, qui sont d'abord des idéologues. Il faut absolument l'avoir clair en tête. La technologie liée aujourd'hui n'est que le véhicule d'un projet politique de tous ces gens-là, et ce qui explique aussi par exemple le moratoire d'il y a quelques semaines. Et puis enfin, les usages qu'on peut avoir pour manipuler, pour orienter, pour nudger, c'est-à-dire orienter sans que vous ayez conscience forcément qu'on est en train d'agir sur votre cerveau, un certain nombre de décisions que vous auriez. Cambridge Analytica, d'une certaine façon, était l'ancêtre de ça déjà, ce que bientôt, on va beaucoup entendre parler de ce concept, des guerres cognitives par exemple, qui sont en train d'être posées en termes de doctrine par exemple. Je m'arrête quand même sur ce que vous avez dit un peu rapidement, mais vous dites ils ne sont pas des technologues, ce sont des idéologues. Absolument. Alors, est-ce que c'est rassurant ou inquiétant? Ça, j'en sais rien, mais quelle idéologie y a-t-il derrière ça? Alors, en quoi est-ce que, si je pose une question à ChatGPT, je lui dis, dis-moi si, je sais pas, Marc Dugain est de droite ou de gauche, par exemple, en quoi c'est l'idéologie? En quoi la réponse sera idéologique? Et en quoi cet outil est idéologique? Moi, j'ai l'impression que c'est qu'un outil, c'est comme si vous me disiez, ce verre est idéologique. Oui, alors, deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que, et vous le savez maintenant, dans ChatGPT, il y a un certain nombre, aujourd'hui, 4 notamment, 3.5, celui d'avant, celui qui a fait tant de bruit, il y a des filtres. C'est-à-dire que dans la façon dont sont articulées, sont orientées les réponses qui vont être données, il y a un certain nombre de filtres dits moraux ou éthiques, et d'ailleurs qui étaient tout sauf éthiques et moraux, puisqu'en fait ils étaient entraînés par des vrais gens au Kenya dans des conditions absolument non éthiques et absolument désastreuses, et qui en fait avaient des chocs psychologiques en continu. Donc ça, c'est la première chose. Sur la base de quoi vous arbitrez ce qui est moral ou pas, ce qui est ou pas? Et donc, la première réflexion qui a eu lieu aux États-Unis et qui explique aussi l'hostilité d'un Elon Musk, c'est que ChatGPT très vite a été dénoncé comme étant un outil woke, par exemple. Et Elon Musk woke, on explique en deux mots quand même. Woke, c'est cette logique d'un progressisme ultra-identitaire avec des formes d'intersectionnalité. Et les minorités qui prennent le pouvoir sur la majorité. Qui essaiment aux États-Unis et qui aujourd'hui sont un sujet extrêmement clivant aux États-Unis. Donc vous avez les woke, les anti-woke, etc. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. Et le deuxième niveau de lecture, quand je dis ce sont des idéologues, ils ont des projets politiques sur la conquête de l'espace, avec ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est une doctrine d'ailleurs, qui vient d'Oxford, le long-termisme, le transhumanisme, qui est en fait la lutte contre la mort et le vieillissement. En fait, ce sont des projets de technologie totale et qui peuvent potentiellement devenir totalement antidémocratiques. D'où la question du contrôle qu'on va évoquer dans un instant, mais d'abord, je donne la parole à Christine O'Krenn qui voulait la prendre. Oui, parce qu'il n'y a pas que les démocraties qui développent l'intelligence artificielle, il y a d'abord la Chine. Et la Chine est très en avance sur l'intelligence artificielle. Pas sur le ChatGPT, puisque Baidu a voulu, quelques jours après, lancer le sien, et Robin Li, qui est le patron, a dû reconnaître que ça ne marchait pas tellement bien. Mais la dictature chinoise, elle repose sur des algorithmes. D'où l'obsession de Xi Jinping, non seulement de museler tous ces grands patrons de la tech, mais surtout de faire en sorte que les data, passent sous le contrôle du parti. C'est très juste. Or, les géants de la tech chinoise ont chacun leur système de data. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Et donc, le Xi, depuis l'année dernière, les contraint à mélanger leur système, ce qui n'était pas le cas entre Alibaba, Tencent, etc., etc. Et donc, encore une fois, tout ce que vous dites est passionnant dans un univers démocratique avec les déformations plus ou moins idéologiques, etc. Mais il faut se dire que c'est un outil au service d'une dictature qui s'en sert non seulement pour contrôler sa propre population, 1,4 milliard de gens, mais aussi pour lutter avec les États-Unis dans cette course à la technologie à laquelle nous autres Européens, nous n'allons pas échapper. Et vous, Marc Duguin, dans votre roman, on sent que vous êtes un peu inquiet par la chose. Votre président fictif va voir des hommes qui l'ont largement fait élire dans la Silicon Valley. Il y en a un qui lui dit « Confier un avion à des pilotes est une ineptie. Confier une voiture à un être humain est une stupidité. Bientôt, confier un gouvernement à des élus sera anachronique. En gros, demain, nos démocraties seront dirigées par de l'IA, de l'intelligence artificielle. » Est-ce que ça traduit votre inquiétude pour nos démocraties? Donc, oui. Il y a toujours une exagération, mais c'est vrai que c'est une inquiétude parce que, comme vous avez très bien parlé de tous les avantages, moi j'ai été dans l'aviation avant d'écrire, donc je connais les avantages de l'intelligence artificielle, on sait à quel point... parce que finalement c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est le maximum de notre intelligence individuelle portée en collectif et rassemblée en collectif. Donc c'est très intéressant. Le problème, effectivement, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les avantages. Dans toutes les nouvelles technologies, ça a été comme ça. On voyait les avantages, et puis on découvrait progressivement les inconvénients. Et moi, ce que je reproche à nos politiques, c'est qu'aujourd'hui... alors d'abord, il y a cette fameuse phrase qui m'avait un peu blessé sur la 5G d'Emmanuel Macron, disant « ceux qui n'y croient pas ou qui se posent des questions là-dessus sont des amish ». Bon, je pense qu'on peut se poser des questions là-dessus sans être amish. C'est quand même... D'autant que les amish ne se posent sûrement pas la question. Surtout que les amish ne se posent pas la question, de toute façon, ils n'ont pas de téléphone. Mais effectivement, les mauvais côtés... les politiques ne les anticipent pas. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aujourd'hui que l'intelligence artificielle va les avaler tout. Ouais, heureux voilà. Peut-être les amish. Vous citez souvent Marc Duguin cette phrase empruntée à Camus, tirée du premier homme. Un homme, ça s'empêche. Le numérique est a fortiori l'intelligence artificielle. C'est a priori tout sauf savoir s'empêcher. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de se déshumaniser d'une certaine façon collectivement? Je ne le crois pas du tout. Non, il faut absolument lutter contre cette idée qui vient d'ailleurs de ces gens-là, qui vient de ce type de moratoire-là, qui vient de ce discours-là. Donc en fait, il faut absolument déconstruire. Le moratoire est une vaste supercherie. Alors le moratoire, on explique. Le moratoire, c'est l'Italie qui a demandé l'interdiction sur ces informations. C'est ça le moratoire. Le moratoire, c'est la lettre en fait d'un certain nombre de chercheurs dont Elon Musk à mettre en pause pendant 6 mois la recherche. Donc alors si l'idée est bonne, parce que vous parliez des risques à juste titre, ce n'est pas qu'on invisibilise les risques, pas du tout, on les connaît. Eux-mêmes en parlent d'ailleurs en réalité, ils sont un peu les pompiers pyromanes dans cette affaire. Ce qui est intéressant dans la question du moratoire, c'est que on est toujours en train de brandir l'intelligence artificielle comme étant un épouvantail à venir, oui. Mais toujours dans cette dimension de ce que eux appellent les intelligences artificielles générales, hein, c'est-à-dire celles qui vont devenir fortes, celles qui vont concurrencer précisément l'intelligence humaine. Non. Aujourd'hui, attention, toutes les IA dont on a parlé, les usages, ce sont des IA faibles. En anglais, on appelle ça les narrow AI. Elles sont vraiment étroites, elles sont sur des tâches spécifiques. Mais derrière quelque chose comme ChatGPT, il y a un projet beaucoup plus large et beaucoup plus grand qui serait en fait le développement de ces IA générales. Et celles-ci peuvent poser un problème. Mais ce n'est pas parce qu'on le reconnaît et qu'on a un consensus sur le fait que les IA et la captation de données en général va devenir le nouveau paradigme technopolitique du XXIe siècle, qu'il faut pour autant laisser tomber les problèmes posés dès aujourd'hui par les IA, c'est-à-dire la reproduction des discriminations, les biais, toute la réflexion éthique autour des usages, et surtout, la repolitisation de la question de l'intelligence artificielle et de la technologie. Ce que font très bien Sam Altman, c'est créer une accoutumance. Les usages sont tellement sympas, sont tellement confortables, apportent aussi des gains de productivité, une amélioration des jobs, qui fait que on a dépolitisé la question. On parle aussi de 300 millions de jobs qui pourraient disparaître. Ça, alors la question du travail, elle est hyper intéressante dans cette bataille idéologique, parce que toutes les études récentes qui sont sorties sur la discrétion des savoirs produits viennent en fait d'un groupe qui s'appelle les long-termistes et qui sont adossés à Oxford et qui en fait essayent toujours de monter en épingle ce fantasme apocalyptique. Attention, là c'est le retour de ce que doit être l'État et la question démocratique et le débat politique de qu'est-ce qu'on veut faire de ces technologies collectivement. Il va falloir qu'on repolitise cette question-là, c'est fondamental. Et là où je rejoins absolument Christine O'Crinte, c'est que l'intelligence artificielle est l'un des grands sujets de compétition stratégique et de rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis ont à la fois besoin de leurs géants technologiques pour avancer et en même temps vont devoir les réguler. Mais en... Non, malheureusement, on est au bout. Merci, merci. C'est passionnant. On a envie de continuer. On continuera. Je vous promets qu'on y reviendra. Je vous promets qu'on en reparlera dans les années, dans les siècles à venir, si on est encore là. Transhumanisme, à demain. Merci à ce moment-là. Merci. En dérisquant. En dérisquant. Merci, Christine O'Crinte. Et merci, Marc Dubien, de nous avoir accompagnés depuis 18h30. Vos livres, je les cite à nouveau. L'Empereur et les milliardaires rouges pour vous, Christine O'Crinte, est une amie pour vous, Marc Dubien. Nos démocraties en danger, on continue à en parler autour de Raphaël Glucksmann, qui publie La Grande Confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties. N'avons-nous pas encore pris la mesure du défi? A tout de suite pour le débat de ces politiques. Merci Camille, merci Gallagher et merci Pauline. donner. Mais vous l'avez sans doute vu, il y a cette grande interview d'Emmanuel Macron au journal Le Parisien, dans laquelle il parle de vous d'ailleurs. Il parle du fait que vous lui avez répondu « Lol, on va y revenir ». Une question sur les actions de la CGT pour commencer. La CGT Énergie notamment, qui promet 100 jours de colère, une grévilla comme ils disent. Et il y a eu cette coupure d'électricité la semaine dernière lors d'une visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault. Il y a eu l'établissement qui était visité par Emmanuel Macron qui a été plongé dans le noir, mais il y a aussi une clinique dans le coin. C'était vous ça ? C'était la CGT ? Non, non, la coupure d'électricité de la clinique, c'est pas du tout la CGT. Nous, quand on fait des actions, d'abord, on les organise de façon ciblée. Donc, la clinique n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et on coupe jamais l'électricité dans des établissements de santé. Et ensuite, quand on le fait, on les revendique. Et cette action, on ne la revendique pas. Donc, c'est pas du tout lié à la CGT. C'est vrai, vous les revendiquez pas systématiquement. Il y avait eu, souvenez-vous, 3 représentants de la CGT Énergie qui avaient fini par venir distribuer des fleurs aux résidents d'un EHPAD à Saint-Léonard, près de Boulogne-sur-Mer, parce qu'il y avait eu des coupures d'électricité due justement à la colère. Et pendant une semaine, ils avaient dit « c'est pas nous ». Donc vous allez nous faire le même coup. Ah non, non, mais là, c'est vraiment... Enfin, c'est complètement déconnecté de ce qui s'est passé sur le collège et l'aéroport. Et les coupures d'électricité... L'aéroport de Montpellier également. Les coupures d'électricité, elles démontrent l'ampleur de la colère dans le pays, avec ce passage en force sur cette réforme violente qui vole 2 ans de vie à la quasi-totalité de la population. Et donc, des coupures d'électricité ciblées pendant des réunions politiques, ça n'a rien à voir avec la violence de cette réforme. Je dis pas qu'ils ont voulu couper l'électricité de la clinique, de la même manière qu'à aucun moment, je n'imagine que la CGT Énergie de Saint-Léonard n'ait voulu couper l'électricité dans l'EHPAD. Mais vous voyez bien qu'il peut y avoir, en tout cas, ça avait été le cas dans cet EHPAD, des conséquences dramatiques. Ça avait été le cas aussi dans un centre de dialyse. La CGT avait été obligée de s'excuser. Vous prenez des risques quand même. Écoutez, non, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font, ils maîtrisent leur outil de travail. Et malheureusement, juste à côté, il y a une maternité qui est amenée à fermer. Et là, personne n'en parle, alors qu'il y a une maternité qui va fermer et impacter pour des dizaines de milliers de personnes. Donc, c'est pas de notre fait, c'est pas nous qui avons organisé cette coupure. Point. Le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement retire cette réforme qui empêche de passer à la normale. Non, mais on va y revenir sur la réforme, mais je comprends pas, parce que là, je vous dis que de fait, les gens de la CGT du coin de Boulogne-sur-Mer ont fini par reconnaître que c'était bien leur action qui avait entraîné la coupure d'électricité dans un EHPAD où tous les résidents de l'EHPAD se sont retrouvés sans électricité de 7h à 17h. Et vous dites, mais non, nous, on maîtrise notre outil. Là, ce jour-là, en tout cas, c'est pas maîtrisé. Eh bien là, en l'occurrence, des informations que j'ai sur ce qui s'est passé à Ganges, ça n'est pas la CGT qui est responsable de cette coupure. Vous savez qu'il y a des tensions sur l'approvisionnement électrique, nous l'avons annoncé malheureusement, avec des opérations de délestage ou d'autres difficultés sur le réseau. Donc ça n'est pas de notre fait, point. Et vous continuerez, du coup, à faire ce genre de coupure sauvage ? Les salariés continueront à décider d'actions pour se faire entendre parce que cette réforme est dangereuse et scandaleuse, qu'elle est violente. On l'a entendu avec tous les retours des téléspectateurs tout à l'heure, qui, pour certains, se rendent compte, alors qu'ils avaient prévu leur départ à la retraite pour septembre, qu'ils vont devoir attendre 2024 pour partir à la retraite. Donc on voit combien cette réforme, elle est injuste et violente pour les gens. Et donc elle justifie toutes les actions ? Elle ne justifie pas les actions violentes contre les personnes. C'est pour ça que la CGT n'appelle jamais à ce type d'action. Il y a la promesse éventuelle d'éteindre aussi le courant au Festival de Cannes, au Grand Prix de Monaco, au tournoi de Roland-Garros, au Festival d'Avignon. Tout cela pourrait se retrouver dans le noir. On ne lâchera rien. Voilà ce qu'a dit aussi la CGT Énergie. Oui, moi je crois que le message est clair, c'est que cette réforme, elle est injustifiée d'un point de vue économique. Nous avons fait des dizaines de propositions alternatives pour financer la réforme des retraites que le gouvernement n'a même pas voulu examiner. Et elle est très violente pour des millions de salariés. Elle est refusée par 95% des salariés du pays. Donc il faut entendre ce message. L'entendre y compris en faisant beaucoup de bruit avec des casseroles. Oui, tout à fait. Franchement, Fait sourire. Oui. Oui, oui. C'est que on a quand même un gouvernement qui est passé en force depuis le début de cette mobilisation, qui a refusé d'entendre les syndicats, qui a refusé d'entendre des millions de manifestants, des milliers de grévistes. C'est une manifestation inédite depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui est passé en force contre la représentation nationale puisqu'il n'y a pas eu de vote au Parlement. Et là, qui nous explique que les casseroles, c'est inacceptable. Bon, il faut revenir à la raison. Le problème, c'est que cette réforme, pour nous, a un impact très concret sur nos vies et nos conditions de travail. Je vais y revenir, mais comme j'ai vu que vous souriez, ça me fait penser quand même à la réponse d'Emmanuel Macron à votre formule. Vous lui aviez répondu lorsqu'il a proposé de vous recevoir, lorsqu'il a dit qu'il allait vous recevoir. Vous avez répondu lol, c'est-à-dire effectivement ça me fait bien rigoler. Et voilà ce qu'Emmanuel Macron en dit ce matin. Je pense que ce n'est pas un formidable exemple quand vous avez une responsabilité, un responsable syndical ou politique qui a ce type de réponse. Maintenant, j'ai envie de travailler avec tous les syndicats, dit Emmanuel Macron, y compris la CGT. Je regrette ces trois lettres, mais je prends plus cela comme un trait d'humour. C'était un trait d'humour. Écoutez, le président de la République n'a peut-être pas l'habitude du franc-parler. Peut-être qu'il faut qu'il sorte davantage pour être habitué à ce type de formule. Le problème, en fait, cette formule, c'est pas tant un trait d'humour qu'un résumé de la situation. C'est-à-dire qu'on est confronté à une hypocrisie totale. Avec, d'un côté, un gouvernement qui, pendant 3 mois, voire 6 mois, parce que la concertation avant, c'était pareil, refuse d'entendre les propositions des syndicats pour financer notre régime des retraites, qui, pendant 3 mois, refuse de nous rencontrer, nous l'avons demandé, et qui, là, tout d'un coup, fait passer sa réforme en force, en plus en la promulguant à la va-vite dans la nuit du week-end, et puis le lendemain se réveille en disant « je veux recevoir les syndicats ». Donc on fait quand même les choses vraiment dans le désordre, et là « je veux recevoir les syndicats pour parler de la pénibilité, de l'emploi des seniors, etc. » une fois qu'on a fait une réforme extrêmement violente pour les gens. Et ensuite, le président de la République nous dit « je veux vous recevoir pour parler de tout un tas de sujets », sauf que ces sujets, en fait, sont tous des sujets qui sont clivants et qui sont qui constituent des réformes antisociales et violentes. Je peux vous prendre un certain nombre d'exemples. Oui, par exemple, la réforme des lycées professionnels dont parle le président de la République. Dont il a parlé lundi dernier lors de son allocution. Voilà, ça fait 6 mois que tous les enseignants de lycées professionnels, que les élèves de lycées professionnels, que les acteurs de cette filière se mobilisent contre cette réforme en la refusant, puisque ça consiste à baisser le volume d'enseignement d'élèves qui sont déjà très défavorisés. Donc pour vous, c'est pas du tout un progrès? Ben non, au contraire. Et ça fait 6 mois qu'on lui dit qu'on n'en veut pas de cette réforme. Et là, il nous dit « revenez me voir et échanger avec moi pour discuter notamment de cette réforme ». Mais il y a quelle réforme que vous voudriez ? Enfin, une réforme qu'Emmanuel Macron serait prêt à porter ? Ben les salaires, hein. Les salaires. Alors ça, il en parle hein, ce matin. Hein. Il dit le problème du pouvoir d'achat, c'est que les salaires ne sont pas suffisamment élevés, que le travail ne paye pas suffisamment. Tout à fait d'accord sur ce point. Sauf que le point de désaccord, c'est que la phrase suivante, c'est ça n'est pas ma responsabilité, c'est aux entreprises de faire les efforts. C'est pas vrai. Le gouvernement a des leviers d'action évidents, notamment la CGT porte une proposition simple. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. Ça existait jusqu'en 1983 en France, c'est encore en vigueur en Belgique, et ça c'est revient. L'indexation. À indexer les salaires sur les prix pour que les salaires augmentent automatiquement avec les prix. Quand on voit que les prix alimentaires ont augmenté de 20% depuis le début de l'année, ben on mesure combien cette disposition changerait la vie des gens. D'ailleurs, sur quoi ? Pas sur les prix de l'alimentaire ? Non, sur les prix... Alors après, ça, c'est une discussion fine à avoir, mais on pourrait à minima prendre le panier de prix qui est retenu pour l'évolution du SMIC, par exemple. Mais si vous alliez à l'Élysée, vous pourriez lui dire ça ? Ben, on lui a déjà dit, ça fait un an qu'on lui dit. Dans la loi pouvoir d'achat qui est passée par exemple cet été, il n'y avait pas le mot salaire. Donc ça fait un an que tous les syndicats lui disent, il faut augmenter les salaires. Là, le problème, c'est que moi, je regarde dans le détail les annonces et ses interventions. Malgré tout, il n'y a jamais le mot salaire, à part pour dire, ça n'est pas de ma responsabilité. Le travail ne paye pas suffisamment. Hein. Voilà le mot exact. Tout à fait. Et il renvoie vers les patrons. Alors que l'État, le gouvernement, a des leviers d'action directe. Je vous ai parlé de l'indexation des salaires sur les prix. Je peux prendre un deuxième exemple, chaque année, on dépense 200 milliards d'euros d'aides publiques qui sont versées aux entreprises sans contrepartie ni condition. Si on conditionnait ces aides publiques à des objectifs sociaux ou environnementaux, eh bien, on aurait un levier pour agir sur les entreprises. Et donc, par exemple, on pourrait conditionner le versement de ces aides à la conclusion d'accords salariaux pour que les salaires augmentent. Vous y retournerez quand ? Vous irez quand ? Vous accepterez quand l'invitation ? C'est des échanges que nous aurons en intersyndical pour prendre les décisions ensemble. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de perspective. Comment vous avez dit qu'il y a besoin d'un délai de décence, c'est aussi le mot de Laurent Berger. C'est quoi un délai de décence ? Nous, ça n'a jamais été nos termes. Ce qui est sûr, c'est que... C'est quoi, vous, votre terme ? Bah, nous, notre terme, c'est que tant qu'on ne retire pas cette réforme, on aura du mal à retrouver des relations de confiance. Il y a une défiance profonde dans le pays. Et si c'est venir rencontrer Emmanuel Macron pour échanger sur des sujets clivants comme la stigmatisation des chômeurs et des précaires avec cette réforme du RSA, comme la loi sur l'immigration. Il y revient hein, d'ailleurs hein, sur le RSA hein, dans cette interview ce matin. On sent que ça fait vraiment partie des points sur lesquels il veut absolument aller encore plus loin. Oui, ça fait justement partie des points qui nous inquiètent encore aussi, une fois. Il dit aussi, on n'accompagne pas suffisamment ceux qui sont au RSA dans leur recherche d'emploi. Ça, vous êtes plutôt d'accord ? Oui, ça, on est d'accord, sauf que dans le même temps, ils baissent les effectifs de Pôle emploi avec, c'est quand même un comble, il y a un record de précarité dans les conseillers de Pôle emploi. En fait, celles et ceux qui sont là pour vous accompagner dans la recherche de votre emploi, il y en a beaucoup qui sont précaires et qui sont sous-traités, qui sont même pas dans le service public de l'emploi. Donc, il faut commencer par créer des postes pour accompagner les personnes qui sont privées d'emploi dans leur recherche d'emploi, au lieu de les stigmatiser et de faire comme si il et elle sont au chômage, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, ce qui est complètement faux. Sophie Binet, si je comprends bien, tant qu'il n'aura pas retiré cette loi, vous n'irez pas. C'est des réflexions et des discussions qu'on aura ensemble au niveau de l'intersyndicale. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'aura pas retiré cette réforme, il y aura une profonde défiance dans le pays et on le voit. Puisque... Enfin, si ça ne tenait qu'à vous, alors j'ai bien compris que vous décideriez en intersyndicale, mais si ça ne tenait qu'à vous, vous n'iriez plus. Non, je dirais pas ça. Non, c'est encore une fois des discussions que nous aurons pour le coup dans la CGT, si vous me dites pour ce qui me concerne, et que nous avons au jour le jour. Évidemment que la CGT, elle est là pour se battre, pour gagner des droits pour les salariés, et qu'elle va dans tous les endroits où on peut gagner des avancées. S'il y a une chaise vide, les décisions, elles se feront sans vous, quoi. C'est quand même... Oui, c'est sûr. C'est regrettable, j'imagine. Bien sûr. C'est pour ça que la CGT, elle est jamais partisane de la chaise vide. En attendant, la CGT dit que cette réforme, elle est injuste et violente et qu'elle doit être retirée pour qu'on puisse passer à la normale et que nous irons jusqu'au bout pour que cette réforme ne s'applique pas. Alors justement, l'intersyndicale, elle sera réunie le 1er mai. C'est du jamais vu, hein. D'habitude, vous étiez quand même chacun dans votre couloir. Là, le 1er mai, vous serez tous ensemble. Vous serez aux côtés de Laurent Berger. Vous espérez un raz-de-marée. Est-ce que c'est ce qui se prépare? Oui, tout à fait. On est en train de préparer un 1er mai unitaire et populaire. C'est la première fois que tous les syndicats vont manifester un 1er mai. Il y aura plus de 300 manifestations sur tout le territoire. Ça sera familial, festif. Donc vraiment, j'appelle tous les téléspectateurs et téléspectatrices à venir manifester le 1er mai avec votre famille, vos amis, votre entourage. Et puis à Paris, il y aura une dimension un peu particulière puisque on a invité nos homologues internationaux. Donc il y aura une centaine de syndicalistes du monde entier qui viennent vous soutenir. Qui viendront nous soutenir, notamment la secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, les secrétaires généraux de la Confédération syndicale internationale, et puis des dirigeants syndicaux des 5 continents. Il y aura des Brésiliens, des Indiens, des Africains, des Européens de nombreux pays d'Europe qui viendront dire pourquoi est-ce que notre lutte en France, elle est importante pour tous les travailleurs et travailleuses du monde. Bon enfant, on le sent bien, puisque vous dites venez en famille le 1er mai, évidemment, puisqu'en plus c'est une journée chômée. Vous ne redoutez pas ce jour-là de débordement? Vous pensez que ça va être suffisamment maîtrisé? Les syndicats sécurisent toujours les cortèges et donc il n'y a jamais de danger à défiler dans les cortèges syndicaux. Jamais de danger à défiler dans les cortèges syndicaux? Oui, quand il y a des problèmes, c'est devant ou derrière, mais pas dans les cortèges syndicaux. Précisément sur vos relations avec Laurent Berger, avec vous venez d'arriver, vous étiez déjà évidemment présente dans la direction de la CGT. Comment ça se passe? Ça fait quelques semaines maintenant. Comment vous trouvez votre place, vos échanges avec les uns et les autres? Écoutez, ça se passe bien. On a une intersyndicale qui est solide et qui est soudée par cette exigence commune de gagner le retrait de la réforme et sa non-application. Et donc, à partir de là, nous avons bien sûr des points de vue différents sur un certain nombre de sujets, mais on trouve toujours le moyen de trouver une solution qui rassemble, étant donné qu'on a un objectif commun qui est très clair. Qu'est-ce qui vous distingue de Philippe Martinez? Je ne sais pas. Enfin, je pense que c'est pas trop le... J'ai pas de moustache. Voilà, c'est tout. En fait, pour l'instant. Pour le reste, vous êtes vraiment en raccord, quoi. Il y a une continuité. Écoutez, moi, je suis élue par le congrès de la CGT pour mettre en place les orientations de la CGT. J'ai un mandat qui est très clair, c'est celui de rassembler l'organisation. Et puis, c'était pas gagné quand même, hein, au congrès. D'ailleurs, finalement, c'est vous qui êtes sorti du chapeau, mais il y a eu beaucoup de tensions pendant ce congrès. Oui. Même dans un moment où vous avez pourtant, franchement, un ennemi commun, quoi, avec cette réforme. Oui, tout à fait. Je crois que c'est aussi quand on est dans une organisation démocratique, il y a des congrès qui finissent pas forcément comme on l'avait prévu. C'est le cas de ce congrès. Avec au final un esprit de responsabilité des délégués, des militantes et des militants de la CGT qui a primé pour rassembler la CGT, puis aussi dire un message fort de transformation en disant il y a des choses qu'il faut changer pour que notre organisation elle évolue. Sophie Binet, vous avez évoqué la question de la réponse que vous auriez au problème du pouvoir d'achat avec le fait de demander des contreparties aux entreprises, le fait d'indexer davantage les salaires sur les prix. Il y a d'autres points sur lesquels vous voulez particulièrement avancer. Et si j'ai bien compris, il y a la question des accidents de travail, puisque vous serez cette semaine en déplacement sur le chantier du Grand Paris Express. Est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il y a une forme de responsabilité lorsqu'il y a un accident de travail, responsabilité notamment sur les chantiers, la pression sur les travaux, le Grand Paris, mais il va y avoir les JO, enfin, il y a beaucoup de points sur lesquels il y a des travaux engagés. Est-ce que vous allez laisser entendre qu'il y a une forme de responsabilité sur la pression qu'on met sur les ouvriers ? Oui, tout à fait. De toute manière, le droit est clair. Hein. Il y a une responsabilité directe de l'employeur en cas d'accident de travail ou de mort au travail. Sur le chantier du Grand Paris Express, en 3 ans de travaux, il y a eu 5 morts. Oui, c'est trop. Et c'est lié à la sous-traitance à la chaîne. Plus on sous-traite, moins il y a de protection, de prévention des ouvriers, des travailleurs et des travailleuses. Et puis c'est lié aux cadences et à la productivité qu'on exige des travailleurs et des travailleuses. En fait, la journée du 28 avril, c'est une journée mondiale contre les accidents du travail et contre les morts au travail. Et ça permet de rappeler que la France a un triste record. Chaque jour, c'est 2 ouvriers qui meurent au travail en France. Et c'est 2500 accidents du travail chaque jour en France. Qui pourraient être évités. Qui pourraient, pour beaucoup, être évités avec des mesures de prévention importantes, et notamment en baissant l'intensité du travail et en permettant aux travailleurs et aux travailleuses d'avoir des gestes de sécurité. Le Grand Paris Express, est-ce que vous considérez là qu'il y a une responsabilité, que ces 5 morts sont des morts qui auraient pu être évitées ? Eh bien, il faut regarder à chaque fois dans le détail sur les circonstances, mais oui, en général, quand on regarde les accidents du travail et les morts au travail, ce sont des accidents ou des morts qu'on aurait pu éviter. On ne peut pas se résoudre à ce niveau de mortalité en France. Encore une fois, c'est une exception européenne et la France se caractérise par l'insuffisance de ces mesures de prévention. Pourquoi ? Parce qu'on soumet toujours le travail à des objectifs de rentabilité de court terme. Le travail, ça n'est pas que ça. Le travail, c'est faire primer le travail bien fait et protéger celles et ceux qui travaille. Sophie Binet, sur la question justement de la pénibilité, du fait d'être fatiguée, d'être abîmée même par le travail, il y avait normalement dans la première mouture de la loi travail, de la loi sur la réforme des retraites, un rendez-vous, une visite médicale obligatoire à l'âge de 61 ans. C'était un médecin qui allait décider si oui ou non on était encore apte à poursuivre le travail ou si on était trop fatigué. Cette mesure-là, cette visite médicale, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Aurore Berger, qui était à ce même micro la semaine dernière, s'est engagée à ce que cette mesure revienne par la loi d'ici l'été. Vous lui faites confiance là-dessus ? Est-ce que c'est un point sur lequel vous vous dites au moins s'il y a ça, bon, ce sera quand même mieux que rien ? Le problème, c'est que cette visite médicale, elle servait pas à grand chose. La pénibilité, c'est un des grands scandales de cette réforme des retraites, puisqu'il n'y avait rien en matière de pénibilité. Je rappelle que chaque année, c'est moins de 3000 personnes qui partent de façon anticipée liée à la pénibilité au travail, alors que c'est quasiment 40% des emplois qui ont au moins un critère de pénibilité. Donc, on voit qu'il y a un énorme décalage avec de nombreux métiers qui ne peuvent pas s'effectuer après 60 ans, voire après 55 ans, et pour lesquels on fait comme si on pourrait travailler jusqu'à 64 ans. Ça n'est pas possible. Et encore une fois, cette journée du 28 avril, elle démontre que pour beaucoup de travailleuses et travailleurs, on n'atteint même pas l'âge de la retraite. Donc il y a un chantier qu'il faut ouvrir d'urgence. Il n'y a pas assez de médecins du travail ? Ah non, il n'y a pas assez de médecins du travail, ça c'est sûr. Et puis le système en vigueur en matière de pénibilité, qui s'appelle même plus compte individuel de pénibilité, puisque pour Emmanuel Macron, le mot pénibilité est un mot à bannir, qui s'appelle compte professionnel de prévention. Ce compte professionnel de prévention ne fonctionne pas, puisque c'est moins de 3000 travailleurs et travailleuses qui peuvent partir en anticipation. Sophie Binet, il vous donne aussi un autre chantier à mener, Emmanuel Macron, dans son interview ce matin. Il souhaite remettre l'index senior et le CDI senior, qui ont été censurés aussi par le Conseil constitutionnel, dans une autre loi, et il aimerait que vous vous mettiez, vous, les partenaires sociaux, d'accord là-dessus, d'ici la fin de l'année. Vous lui répondez quoi ? Qu'on fait les choses dans le mauvais ordre. Il fallait commencer par ça, il fallait commencer par l'emploi des seniors avant de faire sa réforme violente. Pourquoi ? Parce que c'est l'emploi des seniors qui conditionne le fait qu'on peut éventuellement allonger et reporter l'âge de départ en retraite. Aujourd'hui, il y a un chômage massif. Il y a plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas au travail et pas à la retraite parce qu'on n'en veut pas d'eux au travail. Et puis ensuite, l'emploi des seniors, c'est prioritaire parce que si on était à la moyenne européenne, la France a encore un bonnet d'âne sur cette question-là, il n'y aurait pas de déficit de notre régime des retraites parce que ça ferait rentrer près de 15 milliards de cotisations supplémentaires dans les caisses. Il regrette pas, Emmanuel Macron, d'avoir dit à ce jeune homme qui lui disait chercher du boulot qu'il suffisait de traverser la rue. En revanche, il regrette, il dit que c'était même une faute d'avoir utilisé l'expression « ceux qui ne sont rien ». Vous entendez le mea culpa ? Il est encore bien léger. Moi, ce que je veux rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours 5 millions de chômeurs dans ce pays et que, contrairement à ce qu'on entend, c'est seulement 3% des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc, c'est faux de faire comme si les personnes qui sont privées d'emploi... Le taux de chômage. Oui, sauf que là, on reste toujours... Il y a 2 millions de chômeurs de plus qu'en 2008. Donc, la baisse, elle est très relative et on reste à des taux de chômage extrêmement élevés en France aujourd'hui avec 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi.

Ça y est, la bataille contre la retraite à 64 ans est passée à la phase casserolade. À l'avant les casseroles. Partout où Macron passe, partout où passent ses ministres, les casseroles les accueillent, les suivent. La voix du peuple, c'est la casserole. Comme il y a eu les gilets jaunes, il y a les casserolades. Alors, ils se donnent le ridicule de vouloir l'interdire. Parfois, dans un département entier, juste parce que Madame la Première Ministre prévoit d'aller quelque part. Ailleurs, c'est dans une ville, ailleurs, c'est sur une place, et toujours avec un motif qui n'est même pas légal. La lutte contre le terrorisme. Non, la manifestation avec des casseroles, ça s'appelle juste la démocratie. À présent, nous avons un calendrier d'action. C'est le président Emmanuel Macron lui-même qui l'a fixé. Il a dit « il me faut 100 jours pour le retour au calme ». C'est vraiment très étrange de parler des 100 jours. Les 100 jours dans l'histoire de France, c'est le retour de Napoléon, et ça se termine par la défaite de Waterloo. Et puis, ça nous amène au 14 juillet, d'après le calendrier de M. Macron. Je trouve étrange l'idée de fixer comme date pour se calmer l'anniversaire de la Révolution contre la monarchie et l'Ancien Régime. Alors le 14 juillet, oui, nous devrons prendre une belle et grande initiative pour rappeler quel peuple nous sommes. Dans l'intervalle, nous avons évidemment le rendez-vous du 1er mai. C'est le plus important. Pour la première fois depuis des décennies, on va avoir à l'appel conjoint de tous les syndicats et de toutes les organisations de la gauche, une manifestation, certainement dans chaque chef-lieu de département. Ça va être énorme. Faites ce qu'il faut pour que ce soit énorme. La lutte continue et le président devra retirer sa loi et sans doute le gouvernement qui va avec. Avant le 14 juillet, il y aura sans doute d'autres rendez-vous fixés par les syndicats. En tout cas, il y a au moins un rendez-vous qui existe à l'Assemblée nationale. Un groupe, le groupe Liot, avec qui nous avions présenté la motion de censure qui a failli être adoptée à 9 voix près, n'est-ce pas ? Ce groupe va déposer dans sa niche parlementaire une proposition de loi qui abroge l'article 7 de la loi sur les retraites à 64 ans, c'est-à-dire l'article même qui précise que la retraite c'est à 64 ans. Alors évidemment, nous autres les insoumis, on voudrait quand même aussi supprimer d'autres aspects de cette loi. Mais on proposera donc sans doute des amendements en commission. Enfin, ça, c'est l'affaire du groupe parlementaire. Mais ce qui est certain, c'est que on ne va pas, au nom du maximum, refuser le mieux. Et donc, les parlementaires insoumis vont très sans doute signer la proposition de loi et évidemment, et dans tous les cas, voter pour qu'elle soit adoptée et faire tomber la loi si cela est possible. On va voir si tout le monde fait son devoir dans cette affaire. On va voir qui va voter et qui ne va pas voter. En tout cas, vous pouvez vous en mêler dès maintenant, en faisant campagne là où vous êtes, auprès des députés dont vous pensez qu'ils peuvent voter, ou, à force de leur en parler, les amener à comprendre pourquoi il faut voter pour cette loi, de manière à ce que la réforme des retraites à 64 ans soit éliminée avant que n'arrive l'été. Oui, ça serait vraiment très bien, parce que personne n'a de plaisir à faire durer et durer et durer encore un conflit, parce qu'il faut bien que le président comprenne que les Français ne céderont pas. Et que s'ils croient s'être débarrassés d'eux, ils se trompent. Sous une forme, sous une autre, la lutte continue et continuera jusqu'à l'abrogation et le retrait définitif de cette loi. Nous en sommes donc là, à une mobilisation qui ne se dément pas contre cette réforme des retraites. Et que voit-on ? Le gouvernement, ses alliés, ses perroquets, ses répondeurs automatiques, se coaliser pour essayer de trouver une brèche. Quelle peut être cette brèche ? Cette brèche, c'est diviser ceux qui luttent aujourd'hui unis, dans la rue, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sur les places publiques, pour obtenir le retrait de la loi retraite à 64 ans. Il faut absolument que le gouvernement Macron obtienne une division qui ferait que chacun retournerait à ses affaires ou bien réglerait des comptes les uns avec les autres. Et il y a pour cela une offensive qui se dessine. Il s'agit de ramener une loi immigration de manière à ce que, évidemment, commence à se diviser les uns les autres, à se regarder de travers et à ramener sur la table des sujets qui ne font que diviser ceux qui aujourd'hui sont unis dans la lutte. Ne tombons pas dans le panneau. Vous savez, c'est la énième loi sur l'immigration. D'habitude, ils mettent immigration et puis après ils mettent un petit truc sur le terrorisme et la sécurité de manière à faire des gros clins d'œil à ceux que tout ça, ces amalgames peuvent séduire. Ils vont présenter tout dans une seule loi, ils le disent au mois de juin, et donc d'ici là créer toutes les conditions de la division. Au passage, ça vous fait apprécier l'unité qui s'est réalisée dans la lutte. Parce que quand il s'agit de ne pas se laisser voler 2 ans de vie, on regarde pas trop avec qui et comment on combat. Ce qui compte, c'est de combattre et d'être tous au coude à coude. Alors je dis, premièrement, il y a cette diversion. Et puis il y en a d'autres. Inventer, rabâcher sans arrêt qu'il y a des problèmes à la NUPES. Alors eux, c'est la pagaille absolue dans la minorité présidentielle, mais ça, ça dérange pas. La NUPES ceci, la NUPES cela. La NUPES continue à avancer. Elle continue à être unie. Bien sûr, il y a des discussions. Bien sûr, il y a des jours qui sont un peu plus difficiles. Mais il y a des tas de beaux jours où ça se passe très bien. Parce qu'on est au coude à coude dans les rues. Parce qu'on est au coude à coude à l'Assemblée nationale. Et puis parce que, je l'espère, on continue à discuter de manière à ce qu'aux prochaines élections européennes, eh bien, la NUPES confirme qu'elle existe et qu'elle pourra ensuite passer aux autres étapes. Et qu'aux élections européennes, elle puisse arriver en tête de toutes les listes de manière à ce qu'on voit de quel côté le pays veut aller. Voilà ce qui est important. Alors, cette NUPES, elle travaille. Elle va se réunir au sommet le 2 mai. Eh bien, vous verrez qu'il en sortira des points d'appui et qu'on va commencer la phase 2 de l'existence de cette alliance, de cette convergence, de ce front qu'est la NUPES. Alors, évidemment aussi, tantôt c'est la NUPES qui a des problèmes, tantôt on en cherche à en créer chez les insoumis. Et en particulier, comme si c'était le sujet du moment, à propos de l'élection présidentielle de 2027. Que cela soit bien entendu. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de conflit entre insoumis sur cette question. Car nous allons faire ce qu'il faut, et nous faisons déjà ce qu'il faut, pour s'occuper de ce qui compte d'abord. Il n'y a aucune perspective si nous ne sommes pas dès à présent unis dans le combat et préoccupés de ce qui compte maintenant, pas après-demain. Ne tombez pas dans le panneau, vous qui m'écoutez. Ne vous dispersez pas à des querelles secondaires. La seule chose qui compte, c'est de rester groupé et d'avancer sans cesse et sans cesse et sans cesse vers l'objectif. C'est clair ? Allez hop, tout le monde est à la casserole. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes. Gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde. Et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Plus de presse. Au terme de mon parcours, je me rends compte combien rien n'est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment. Il couve partout et nous devons agir au moment où il est encore temps d'empêcher le pire. Germaine Tillon, résistante, admise au Panthéon. L'évêque contestataire Jacques Gaillot est mort. Il était resté engagé dans maintes luttes sociales, morales ou politiques, notamment contre le nucléaire. On était à la même manif. L'ex-leader du Bloc Lorrain sera jugé le 7 juin. Alors le procès de Kevin Grillot, meneur de ce groupuscule d'activistes anticapitalistes dissous en novembre par le ministère de l'Intérieur, a été renvoyé. La justice soupçonne d'être l'instigateur d'exactions commises à Nancy lors de la manifestation du 7 mars dernier. Alors, une question. Qui manipule quoi au profit de qui ? Économie. Stellantis valide la rémunération de Carlos Tavares. Les carnivores mangent les herbivores. États-Unis, fuite de documents, un suspect arrêté. Droits humains, hausse massive des exécutions en Iran pour, entre guillemets, instiller la peur. 8 milliardaires possèdent 90% des médias. 8 milliardaires possèdent 90% des médias. Est-ce qu'ils ont des radios locales et des radios libres ? Oh ! Indirectement. Pas de retrait de la réforme des retraites, d'accord, mais pas de Jeux Olympiques en 2024, ni Festival de Cannes, ni Tour de France, ni Roland-Garros, ni Coupe du Monde de rugby. Citation d'Anna Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qu'est en train d'expérimenter Macron et son équipe. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Jean-Luc Mélenchon a dit 2011, la lutte contre le changement climatique est malheureusement perdue. Désormais, on sait qu'il aura lieu. On peut se battre pour le limiter. 2011, nous sommes en 2023 et les problèmes d'eau, hein, maintenant, c'est quand même difficile de ne pas les voir. 2014, il va y avoir la guerre en Ukraine. 2017, nous voyons venir de nouvelles épidémies. 2018, la France va manquer d'eau. 2022, faites attention avec Taïwan, la Chine et les États-Unis. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes volés. Les listes des hôpitaux et structures de santé dans une grave crise sans précédent. Alors, 214 structures de soins et plus de 365 services concernés. Alors, si on ne regarde que les Vosges, Remiremont, concerné, Vittel, Neuchâtel. On a qu'on se tienne au courant. Et puis qu'on agisse, qu'on réagisse. Hein. Vous en avez marre de ces grèves et de ces blocages, point d'interrogation. Faites-le savoir, point d'exclamation. Coupons à envoyer à votre employeur et au gouvernement. Je sous-signais, nom, prénom, demande à ne pas bénéficier des améliorations que les travailleurs en grève pourront obtenir. Par exemple, je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans. Je vais pouvoir être licencié plus facilement. qu'il s'agisse d'une incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de mon entreprise. Je souhaite que mes indemnités soient réduites en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif. Je suis favorable à ce qu'il y ait un droit du travail par entreprise, et non plus les mêmes droits pour tous. Je ne souhaite plus passer de visite médicale du travail. Je veux que mes horaires de travail, durée et répartition, puissent être modifiés n'importe quand. Je veux pouvoir travailler jusqu'à 60 heures par semaine, et même sans limite en cas de forfait jour. Je souhaite que mes heures supplémentaires soient bien moins rémunérées, et je suis d'accord pour qu'elles ne me soient payées que tous les 3 ans. Je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent légalement être modifiées moins d'une semaine avant mon départ. Je souhaite que tous les acquis sociaux soient remis à zéro tous les 5 ans. Je suis favorable à l'étouffement des services de l'inspection du travail. Merci de répondre favorablement à mes demandes, dates et signatures. Alors, en option, pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier des améliorations gagnées par le passé. Je renonce à mes congés payés. Je renonce à la sécurité sociale. Je ne veux plus de salaire minimum. Je suis favorable à l'interdiction des syndicats et du droit de grève. Vous croyez qu'il y en a qui vont remplir un truc comme ça? Oh non! Ah mais non! Regardez autour de vous. Vous vous posez des questions un petit peu par rapport à votre entourage? États-Unis, Allemagne. Monsanto attaqué en justice. Le groupe chimique allemand, Bayer, doit désormais affronter 18 400 requêtes déposées aux États-Unis contre l'herbicide au glyphosate de la famille de la filiale Monsanto. Un nombre en constante augmentation. Alors c'est un journal déjà ancien, hein. Mercredi 31 juillet 2019, hein, vous voyez, la rue de presse. Oh oui, c'est toujours un peu pareil quand même. Alors, on change les dates et puis puis les problèmes restent un peu semblables, un peu. Société Argent, Bernard Arnault, l'homme qui valait 100 milliards. En rachetant pour 16,2 milliards de dollars le joaillier américain Tiffany, l'homme d'affaires français Bernard Arnault serait devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune désormais supérieure à 100 milliards de dollars. Il était jusqu'ici à la 4e place du célèbre classement Forbes. Voilà, c'était en décembre 2019. Les choses se sont encore améliorées depuis, hein, pour Bernard Arnault. Elles se sont aggravées pour les autres. Eh ben oui, l'argent qui tombe dans, qui vient dans une poche, il vient d'autres poches, hein. Ah oui. Un CRS filmé en train de matraquer un gilet jaune. Un officier des CRS de Metz a été filmé en train de donner un coup de matraque en plein visage d'un gilet jaune lors de la manifestation de ce samedi à Nancy. La vidéo a été partagée des milliers de fois sur Facebook et provoque des réactions scandalisées. Eh oui. Et c'était quand, ça, déjà? C'est 17 décembre 2019. Hein? Eh oui. Vous voyez, quand on range les vieux journaux, on fait des découvertes. Charline Van Hunecker. Je tiens à ma liberté de ton. Ben, t'as bien raison, Charline. Parce que on aime bien tes histoires. Et ta façon de les raconter. C'est cet homme-là que Macron va célébrer lundi. Marlène Schiappa sera là? Point d'interrogation. Jacques Chirac. 2 points, ouvrons les guillemets. Pour moi, la femme idéale. Point de suspension, fermons les guillemets. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne. Celle de l'ancien temps. Dure à la peine. Qui sert les hommes à table. Ne s'assied jamais avec eux. Et ne parle pas. Alors ça vient du Figaro Magazine, janvier 1978. C'est passé, hein, tout ça. Ah, hein, c'est tombé dans le passé. Ah oui, définitivement. Alors, le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier ministre s'occupe personnellement de l'emploi, surtout du sien. Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. C'est pas compliqué en politique. Il suffit d'avoir une bonne conscience, et pour ça, Il faut avoir une mauvaise mémoire. Les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. La Chambre des députés, la moitié sont bons à rien. Les autres sont prêts à tout. Les journalistes ne croient pas le mensonge des hommes politiques, mais ils le répètent. C'est pire. Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul, disait Montaigne, il y a 5 siècles. Avec le chômage central, on les cuira tout l'hiver. Macron Gattaz, chômage, misère. Le chômage, ça rapporte gros au gros. Pour éliminer le chômage, il faut éliminer les causes. Chômage, 2 points. Mussolini, virgule, Franco, virgule, Hitler. Chômage des uns, richesse des autres. Pourquoi est-ce que les Daesh ne tapent jamais sur les gros, sur les riches? 6 000 super riches fabriquent 6 millions de pauvres. Un super riche pour 1 million, pour 1 000 chômeurs. Le poids des mots, le choc des photos, les tornades, c'est naturel. Pas le chômage. Proclamer qu'on lutte contre l'islam radical, tout en serrant la main au roi d'Arabie Saoudite, revient à dire que nous luttons contre le nazisme, tout en invitant Hitler à notre table. Signé Marc Trévidic, ex-juge antiterroriste. On déconseille aux vieux de sortir en cas de forte chaleur, mais on les fera travailler dans les fonderies jusqu'à 67 ans. François Fillon, ce visionnaire, dans une vidéo datée de 2016, l'ex-premier ministre avait lancé au micro devant des patrons, le système par points, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Cela permet de diminuer chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. Je me demande si les Chinois qui font du tourisme à Paris savent que les souvenirs qu'ils achètent viennent de chez eux. La liberté de l'Est. Jeudi 9 mai 1945. La chute de Berlin marque la fin du régime nazi. C'était en 1945. Hein. Oh. 3 jours de rave partie dans le massif d'Abrechvillers. Comment, rêve parti? Non, c'est écrit rave, R-A-V-E, plus loin, parti, P-A-R-T-Y. Allons. Allons. Les lettres se prononcent, oui, normalement. 20 éoliennes de plus d'ici 2030 dans l'agglomération, à Épinal. Ah. Et puis, le solaire peut-être aussi, hein. Ah oui. Taïwan. Faut-il s'attendre à une invasion de la Chine? Oh, les Chinois, ils appelleront ça une libération. Ah oui, parce que Taïwan faisait partie de la Chine depuis des siècles et même des millénaires, avant que Chiang Kai-shek se réfugie à Taïwan, soutenu, aidé par les Américains, et que les Chinois qui en avaient marre de faire la guerre pour libérer leur pays, bon, on dit Taïwan, on verra plus tard. Hein. Bon, il n'y a pas urgence. Hein. Le tribunal ne peut pas lui verser les 7 800 gagnés au prud'homme. Mise à jour par la CFTC, un problème de recrutement au poste de régisseur au tribunal de Saint-Dié retarde le versement de sommes d'argent auprès de nombreux créanciers. Ainsi, une nounou attend depuis plus d'un an le versement de 7 800 euros gagnés au prud'homme. Ben, il n'y a pas besoin de lui verser parce que 7 800 euros, peut-être qu'elle est morte de faim entre-temps. Alors donc, voilà, les dettes, il y a une façon de les... Hein. Ben oui. Le 10 août 1792, la monarchie est renversée par une insurrection. En fin de journée, les sections révolutionnaires de Paris, appuyées par des volontaires issus de toute la France, s'empare du palais des Tuileries, où réside la famille royale. Cette insurrection est l'aboutissement de plusieurs mois de tensions politiques et sociales, au cours desquelles la défiance s'est accrue à l'égard du roi, accusé de comploter avec les aristocrates, émigrés contre la France et contre l'Assemblée législative, soupçonnés de protéger la famille royale. Les insurgés proclament la République ainsi que la souveraineté de la Commune de Paris, rebaptisée Commune insurrectionnelle. Organisée sur des principes de démocratie semi-directe, celle-ci met en place une politique sociale égalitaire et confère aux classes populaires parisiennes un pouvoir inédit. Elle tarde à devenir la bête noire des plus fortunés. Voilà. Le capitalisme vert n'existe pas. Ah, voilà une chanson. Alors, je ne vais pas la chanter, non. On va se contenter de lire les paroles. L'International, refrain. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Et demain, l'International sera le genre humain. Couplet 1. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. Hideux dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail, ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu, en décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. L'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez languir en tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux, pas de devoir sans droit. Les rois nous saoulaient de fumée. Paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossant l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Ouvriers, paysans, nous sommes le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent? Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.